Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les Peck Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Jusqu'à 23h, même plus tard, mais Teddy, c'était une vengeance, ça ? Ouais, ça commence bien cette émission. J'ai longtemps que tu t'es mangé un pain, Teddy. Ouais, bah... Le comble, pour un boulanger, le comble. Ouais. Je me suis un petit peu planté dans. Ouais, mais on va dire que c'était une vengeance, donc ce soir, on va. On va parler de vengeance ? Ouais, ouais, je cherchais un autre mot, vu que vengeance, autrement, ça allait faire radotage, donc. Bah oui, mais c'est pendant le temps que tu cherches, je me suis dit, je vais dire ça, il va avoir le temps de chercher. Bah au final, non. Même pas, ouais. Non, j'ai pas trouvé. Je vais faire ma petite vendetta. Ah, c'est vrai que vendetta, ah, ça aurait pu être pas mal. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Ah, vu que... Oui, tiens, d'ailleurs... parce qu'il y a des noms de vengeance qui sont bien connus comme ça, mais on sait pas forcément ce que c'est. Tu nous as préparé quoi, vu que t'en as parlé? Ah, moi, je suis complètement déçu parce qu'officiellement, on n'a plus le droit de se venger. Aïe, aïe, aïe. Mais heureusement, il y a des gens dans la rue qui sont là. Qui le font quand même. Ouais. D'accord. Océane, tu nous as préparé quoi ? Moi, je vais vous parler du conte de Monte Cristo. D'accord. C'est pas un conte pour enfants, d'après ce que j'ai compris ici. Ouais, non, c'est un. Ah bon ? Daniel, vu que tu fais le malin encore, tiens. Ouais. Tiens, je vais faire le malin, je vais pas te répondre tout de suite. Dans ta gueule. Si, tu vas répondre tout de suite quand même. Parce que Teddy, il a dit ce soir, vendetta, mais tu vendetta de quoi ? De baguettes ? De pain ? Dans ta gueule. Je crois que ça tourne beaucoup autour de la boulangerie quand même. Est-ce que ça serait pas parce que je suis boulanger? Non, non. Hop, ouais, ça c'est fait. Voilà. C'est ça placé. Fait deux fois en combien de temps que tu le cales? Eh ben, même pas 30 secondes. Hein. Ouais, ça a été rapide. Donc. Alors, moi, je vais vous parler d'une série de films alors où il y a plusieurs vengeances. D'accord. Au début, on voit pas que ce sont des vengeances, mais finalement, il y a plein de vengeances dedans. D'accord. C'est la série des Jason Bourne. Ok. Voilà. Il y a plein de suspense et de vengeance. Et vraiment, il est pas content de ce qu'on lui a fait, alors il se venge. Ah, greu-greu, c'est ça? Ah. Même plus si affinité. Hein. D'accord. Donc Teddy Quizman, toujours de. Oui, alors moi je vous ai préparé un quiz, effectivement, oui. Sans surprise. Et il va se manger. Enfin, si, il y a des surprises dedans parce que dans la plupart de ce quiz, c'est des histoires en fait. Qui sont toutes vraies. Comment ça. Mais oui, voilà, en fait, ce que je veux. C'est pas des réponses que je veux, c'est. Bah, tu veux quoi si tu veux pas de réponse? Eh ben, alors, je veux surtout que vous imaginez une. Une histoire ? Une vengeance possible avec une situation donnée. Moi, c'est ça que je veux. Genre, je sais pas. De quel type de vengeance s'agit-il je vous raconte par exemple. Bah. Ou qu'est-ce qu'elle a fait pour se venger ? Enfin, son mari l'a trompée. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se venger ? Bah, elle l'a trompée. Elle l'a trompée, oui. Pour moi, c'est beaucoup trop simple. Faut être créatif, faut être imaginatif. Ah. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce que vous allez faire ce soir aussi. Tout aïe, à l'heure. Aïe, aïe. T'es pas sympa, quoi. Ouais. Bah oui, surtout en fin d'émission, on est fatigué, hein. Pour réfléchir, ça va être dur. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, pour réfléchir, toi aussi, dans ton sujet, ils peuvent plus trop réfléchir parce que la plupart sont morts. Oh, c'est beau ça comme introduction. Donc. Ouais, j'ai vu. Ah, je vais parler dans Naruto, il y a un clan qui se venge tout le temps, c'est le clan Uchiha. Bah, ils se vengent quand ils peuvent, hein, parce qu'ils sont plus que deux, après un, j'explique et après ils sont morts. J'explique tout à l'heure plus en détail, mais c'est toujours basé sur la vengeance, le clan. C'est pas faux. D'ailleurs. J'aurais pas dit mieux. Qu'on en parle, vous avez une histoire, vous, de vengeance personnelle qui a pu arriver ou... Oh, on va raconter. Ah, tu veux que je te raconte ma vie, comment j'ai saqué tous mes élèves? Par exemple. Tiens, vas-y, Teddy, vu que t'as l'air bien parti. Je vais finir, je vais passer en dernier. J'en ai une, mais elle est bien trop salée pour être passée en première. Bon, alors, Thierry. Non, je l'ai pas fait, mais c'est vrai que j'ai raconté parfois à mes élèves, j'ai dit, vous savez, chez moi j'ai un escalier, et donc en fait les copies pour mettre les notes, bah, je les lance dans l'escalier selon la marche sur laquelle ça tombe, c'est votre note, et après s'il y en a trop en haut, bah, je lâche le chat pour que ça descende au cou. C'est pas mal. Océane, t'en as... Non, pas... Tu t'es jamais vengé ? Jamais ? Bah si, mais... Bah voilà, c'est ça qu'on va savoir. C'est ça qu'on veut. Bah si, mais le jugement n'est pas encore fait. T'es pas obligé de donner des dons quand même. Si, hein, si, je me suis vengée, c'était quoi ? C'était l'année dernière, j'étais avec mon copain. Et ma meilleure amie, du coup, est sortie avec mon copain. Et, mais pour me faire, pour la vengeance, bah, j'aurais menti, j'aurais dit comme quoi... J'avais de l'herpès. Non, non, genre, en gros, genre, quand j'étais enceinte et tout, et... Ouh. Écoutez bien, à ma meilleure amie, j'ai dit oui, écoute, je suis enceinte de ton mec, quoi. Mais en gros, ma meilleure amie, elle avait un mec. Ouais. Et pour me venger d'avoir pris mon mec, bah, j'ai dit que j'étais enceinte de. C'est bon, c'est ça. Pas mal, ouais. Nous, on peut pas faire la même chose. À la limite, on a mis enceinte la fille, mais voilà. Mais toi, Daniel, donc toi, tu dois en avoir quelques-unes quand même. J'en ai, mais lesquelles sont avouables à l'antenne? J'ai longtemps celle longtemps que t'as pas encore faite. Ouais, à mon avis, il y en a quelques-unes. Comme ça, on va se prévenir. C'est peut-être. Plusieurs fois, j'ai donné des gens qui m'ont fait des vacheries, donné des rendez-vous, des endroits pas possibles. Pour aider lapin. Ouais. Je suis pas allé. Mais si, je crois, la plus belle, quand même, que je peux avouer, c'était. On était à un bal. Et puis c'est moi qui conduisais. Bon, à l'époque t'avais le droit de rouler bourré quand même, hein. Ouais. Donc voilà. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Et finalement, je sais pas ce qu'il y a. On s'embrouille. Puis c'est moi qui conduisais, donc je suis parti. Le bal, il a dû rentrer à pied. À pied ou en stop, 20 km de nuit. Voilà. Bon. C'est vrai, c'est pas mal. Ça me nourrit cette vendeur. Ça me rappelle que les discothèques rouvrent, donc vous pouvez recommencer ce genre de Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas largué vos copains et tout ça. Bah, allez-y. Voilà. Quoi. Voilà. Faites-vous plaisir, c'est ça. Je sais plus pourquoi. Donc fallait que moi je rentre. Je sais plus pour quelle raison. Il devait y avoir du boulot après. Et puis lui, il voulait pas. On s'est embrouillé. Et puis. Mais ça, c'est peut-être la plus avouable parce qu'il y en a d'autres. Moins avouable ? Ouais. Mmh. Ah, tiens, je vais en parler d'une bien salée comme il faut. C'est pas moi. C'est une histoire vraie, mais c'est pas moi. Je précise quand même. Comment dire ? Une personne qui aimait pas trop son père. Ouais. Moi, je l'aime bien, donc ça peut pas être moi. n'aimait pas trop son père et toute sa vie, hein, parce qu'il a fait des crasses et tout ça. Et quand il est mort, eh ben, son enterrement a assez pointé, cette personne. Et comment dire ? Elle a laissé un mot sur le corbillard et sur des bagnoles présents à l'enterrement, va brûler en enfer et tout ça. Boum, devant tout le monde. Ah ouais, là, c'est devant tout le monde. Et ils l'ont pas vu tout de suite, mais ils l'ont vu après quand même. Ouais, c'est. Salé, excellent, tout ouais. J'adore. Elle a accéléré son deuil. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Elle était contente, hein, cette personne-là. Ah bah, tu m'étonnes, là, c'était. Hein ? C'était assez sympa, là. Ouais, on va dire celle-là. C'est pas mal, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Ça serait bien tourner une scène comme ça de cinéma. Moi, ça me. Ça fait un peu bien, cinéma. Hein. Surtout que le message, je l'ai modifié, on va dire, dans ce que j'ai dit, pour le rendre plus sympa. Pour le dire à la radio, en fait. Ouais. Parce qu'il est plus méchant que ça encore. Comme dans au moins une chanson, mais je pense dans plusieurs, et les gens qui ont envie de se venger disent j'irai cracher sur votre tombe. Hein, ouais. Ah là, elle l'a vraiment fait. Hein. Là, clairement, chapeau, respect. J'ai jamais fait mieux. Ce sera difficile, c'est ça, non ? Je sais pas. Ne mets pas l'humain à l'épreuve. Il y a toujours moyen de faire pire. Hein. C'est vrai que oui. Vu comment l'humain est. T'en as pas fait, toi, des vengeances ? Alors, si, il y en a quelques-unes. Tes frères ou un truc du genre. Alors, non, pas sur mes frères. Mytho. Ou s'il y en a, je m'en rappelle plus. Non, en général, non. Non. Y a pas eu. Non, vous maltraitez en permanence, comme ça, il n'y a pas de vengeance. Non, on va dire. Après, si vous en voulez une sur mes frères, on va dire. Bon, j'en ai une sur mon grand frère. Bon, papy. Par exemple, oui, tiens, qu'on a déjà raconté, c'était, il arrêtait pas de nous tailler un moment un jour, puis le soir, il prend une petite veste, puis il fait, oh, ça fait un peu froid. Donc forcément, papy, mais pendant toute la soirée, tout le reste, jusqu'à ce qu'il aille se coucher, mais alors, papy, on a froid. Mais tu vois, on n'a pas arrêté avec mon petit frère. Autrement, si vous en voulez une autre. C'est gentil. Ouais, c'est pour ça, celle-là, elle est mignonne. C'était pendant que j'étais au collège, on avait une prof qu'on. Alors, la prof, elle arrivait en cours avec une bouteille de coca à chaque fois. Chance. Ouais, mais on va dire devant ses élèves, boire c'est pas non plus. Quand il fait chaud. Elle est prof, elle a le droit. Ouais, sauf que nous on l'a pas vu comme ça. Allez, donc, c'est comme vous voulez. Mais on en a profité. Je défends les profs de temps en temps. Un petit mentos et puis voilà. C'est dur, prof. Mais oui. Un petit mentos ? Ouais. Ça marche vraiment ça ? Bah, ça avait marché un petit peu. C'était pas non plus. Ouais, ça fait pas comme dans les vidéos parce qu'en vrai ça explose pas non plus. Non, ça explose pas aussi fort. Ça fait sortir un peu de mousse, mais c'est pas. Comment ça avait suffi pour se prendre quelques heures de colle aussi. C'est vrai. J'ai fait ça aussi avec de la bouffe. Ah, les vengeances avec la bouffe, ça. Ah, j'avoue, j'ai. C'est assez souvent quand même. C'est un petit goût de salé, mais vraiment salé pour le coup. Après, j'espère que la bouffe était froide. Vu que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Non, non, bah non, là elle était chaude. Ça y est. J'étais en CAP cuisine. Ouais. Donc, du coup, on a un restaurant d'application où on sert des clients. Des vrais clients. pour apprendre, c'est normal. Voilà. Donc on se met en situation professionnelle. Faire des faux clients, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas. C'est vrai que du point de vue du client, effectivement, des fois, vu qu'ils apprennent les élèves, des fois, ça peut ne pas être très bon. Hein. Là, je vous le cache pas. Mais bon, en règle générale, on s'en sortait plutôt bien. Et ce qui sortait de la cuisine, c'était comestible, parce que y a le prof qui surveillait derrière. J'aime bien le comestible. J'adore la précision. Oui, ouais. Aussi. Les comestibles. Il se trouve que ce jour-là, un jour parmi tant d'autres, il y avait des profs du collège où j'étais avant, et où pas mal de ceux de ma classe de cuisine étaient aussi, des profs du collège qui s'appellent Choiseul, Amboise, voilà, je balance des noms, hein, pas les couilles. Ils venaient manger à ce restaurant. Ouais. Dans l'eau, c'était un groupe, hein, ils étaient 5-6, et dans l'eau, il y a une des profs que je détestais. Les autres, ils ont détesté plusieurs. Enfin voilà, on avait tous un petit goût de ah, je les aime pas trop. Tu un vois. Petit goût amer, on va dire. Et ils nous demandent, enfin, en venant au restaurant, c'est comme s'ils nous demandaient de leur faire la cuisine. Enfin, ils nous demandent pas, mais bon, ça fait pas de bol. Hein. On est là, ouais. On va. T'es là pour ça, quoi, on va dire. Et tu nous vois pas faire la cuisine. Donc t'attends pas un miracle. On est con, on est jeune. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On modifie un peu nos plats. Du style, c'est un steak au poivre, le plat principal. Oh bah on va mettre plus de poivre que de steak. On l'a caché, on a soulevé le steak, on a mis du poivre en dessous, hop, on a été servir ça, on a donné aux serveurs, des serveurs concernés qui étaient aussi au collège, du coup normalement ils devaient savoir à quel prof donner, ils se sont complètement plantés, ils ont mélangé ça dans toute la salle, ils ont donné ça à des profs actuels qu'on avait dans le lycée. Oh non. Putain mais quel boulet. Ouais. Oh le fail. Les serveurs aussi ils apprennent. Hein. Ouais. Mais bon, voilà. On continue, ils remarquent rien, enfin apparemment, enfin nous on voit rien donc. Ouais. Et après vient le dessert. Dessert, c'était une crêpe avec des fraises, de la chantilly, un petit truc bon quoi. Ouais. On s'est dit si on mettait un peu de sel dedans, ça serait meilleur. Ah ouais, vas-y. Hop. Du coup, on met du sel. Hop. Ils vont servir. Et ils ont pas dû se planter cette fois-ci, mais par contre les profs ils se sont rendus bien compte cette fois-ci et ils ont été se plaindre à notre prof de cuisine et bah on s'est pris beaucoup on s'est pris beaucoup de choses. Je sais plus, on a été renvoyé pour certains, d'autres 3 heures. Ah non, pas 3 heures de colle. Non, c'était 3 jours d'exclusion, voilà, c'est ça. Ouais. La moitié de la classe de cuisine, 3 jours d'exclusion. Voilà. Mais bon, c'était une belle histoire de vengeance. J'avoue, on était quand même satisfait de notre coup. Madame Gadiou Texira, si vous m'écoutez. C'est pour vous. Bah, si vous avez des histoires, vous par exemple, à la maison, n'hésitez pas à nous appeler au 09 70 407 306. Et les osez, avec... osez, s'il vous plaît. Ouais, ah ouais. Nous les raconter. Si vous avez des bons plans à partager. Ouais, aussi. Ou alors des idées à donner aux gens, éventuellement. Oh, ah, ouais. Mais si. En idée, on peut t'en donner. La musique, non? Oh, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais est-ce qu'on peut se venger avec de la musique? Bah, oui, pas, si. Ça dépend. Si, mais... si tu mets un enterrement, mais qu'est-ce qu'on a essayé au fond de cette. Ah, tu as plus que celle-là. Ah, bah, si. Canon, on aura Justin Bright Style, qui est de Taylor Swift, il me semble. Ouais, c'est ça. Et on l'a sur Indestar. Daniel, le plus exotique des animateurs de PK Avenger, jusqu'à 23h sur Indestar. C'est le seul à porter des chemises hawaïennes à temps plein. Non, Daniel, oui. Tiens, vu que t'as des chemises hawaïennes, à Hawaï, ça ressemble à quoi une vengeance? Tu mets pas une chemise hawaïenne. Tu mets ta tenue de Maori. Non, pas de Maori, de combat. Ah bah ça, on en parlera peut-être, parce qu'il y a une émission spéciale sur les îles de prévue à la fin de la saison. Ouais. Peut-être que je vous en parlerai à ce moment-là. D'accord. Je vais maintenir le suspense. En okay. Direct d'une île flottante. Ouais. Oh, ce serait drôle, ça. Alors peut-être est-ce une île flottante, la vengeance, je sais pas. Je sais pas, mais il paraît que ça a un peu disparu, non, apparemment. Il paraît. Ah oui, c'est assez fascinant quand on cherche l'histoire de la vengeance, en fait, de constater que dans nos sociétés occidentales de nos jours, eh bien, c'est. Comment dire? On ne peut plus parler de vengeance par rapport à la justice officiellement. Officiellement, hein, c'est tabou, mais officieusement. Mais officieusement, on est obligé, voilà. C'est ça. Si t'entends pas à travers les carreaux que ça pète dehors, hein, ouvre la fenêtre. Hein. Ouais, c'est vrai, avec l'isolation phonique, thermique, il y a des fois. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus de vengeance, on le croit, on a les fenêtres fermées, et en fait, ça pète dehors. Va frapper à la porte du voisin avant qu'il te descende. C'est ça. Non, oui, c'est voilà. Donc, il y a la vengeance, on la trouve dans l'histoire. On peut remonter. Vous allez dans la Bible, vous allez dans les épisodes de l'Ancien Testament, vous allez trouver la vengeance. La loi du talion, vous avez probablement entendu. Ça, je connais. Oui, j'avais un copain, il disait pour une dent toute la gueule, mais bon, ça c'est. Pourquoi pas? Au lieu d'œil pour œil, dent pour dent, il disait pour une dent. Voilà, bon. D'accord. Pourquoi pas? Donc, qui consistait à avoir une riposte, en fait, infligée à celui qui a attaqué et qui soit au moins à la même hauteur que ce qu'il a infligé. Hein, voilà, oh, pas forcément dépassé, mais voilà, tu m'as fait. Ça m'a coûté un bras, et ben ça va te coûter aussi. Tu l'autre bras. tu m'as assassiné, je vais t'assassiner à ton tour. Exactement. Exactement. Donc c'est assez frappant parce que en fait dans notre modèle de justice aujourd'hui on est plus dans l'idée de pardon, de réhabilitation. Enfin voilà, on dit qu'on peut réinsérer les gens. Oui. Ok. Non mais tout ça. D'ailleurs, t'as été devant. C'est une faute de français parce que réinsérer ça veut dire qu'ils sont déjà insérés. Ouais, et il y en a, ils n'y ont jamais été, donc on ne peut pas les réinsérer vu qu'ils n'y ont pas été. C'est très complexe. Mais, ouais. c'est vrai que c'est trop complexe. On parle quelque part de pardon, de réhabilitation. Voilà, comme... Alors ça fait paradoxal parce que se dire on parle de sanctions et quand on parle de réhabilitation, ça ne sonne pas forcément la sanction, comme une sauf pour celui qui ne veut pas. Oui. En fait, dans cas, oui, là, ça fait. Dans réhabilitation, il y a rehab. Moi, ça me fait penser à la chanson Rehab de désintoxication. Non, je veux pas. Comment ça s'appelle cette chanteuse morte? Amy Winehouse. Ah, bon, quel joli nom, Winehouse. Qui veut pas rehab, justement. Elle veut pas retourner à la société. Elle veut pas se désintox, etc. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est moins moche d'être dans l'intox que dans la désintox. Mais pourquoi pas? Que c'est joli. Alors oui, donc sinon, donc je vous disais que on trouve dans l'Ancien Testament, voilà, la vengeance, y a pas de problème. Donc mais que le dommage subi par la victime et la compensation, si vous voulez, la riposte infligée, ça doit être à peu près égal. Ça doit pas être de manière disproportionnée. Ouais. Dans la Grèce antique aussi, on trouve la vengeance, mais plus comme une idée morale. D'accord. Qu'on nommait la Némésis par rapport à la déesse de l'équité. L'équité, hein, l'égalité, si vous voulez. Et donc, cette déesse, en fait, elle était censée agir chaque fois que les mortels agissaient de manière démesurée, mettaient l'univers en danger. Et c'est ce qu'on appelait l'Ibris, la Némésis par rapport à l'Ibris. Donc, en fait, la déesse de la justice, c'est la déesse de la justice, hein, vous voyez, qui châtie l'excès de bonheur, l'excès d'orgueil, enfin voilà, les excès. Mais en fait, c'est pas des vengeances aveugles, encore une fois. Hein, c'est de cibler, en fait. Si vous connaissez un peu Ulysse ou des mythes comme ça, vous voyez, quand les humains veulent aller au rang des dieux, veulent égaler les dieux, veulent les faire redescendre. Hein, ouais. De faire redescendre les mortels qui veulent être les égaux, l'égo des dieux. Hein, la vraie question, c'est est-ce que ça marche dans l'autre sens? Est-ce que quand t'as un humain plus bactère, est-ce que tu vas le monter un petit peu? Genre, oh, j'ai déjà de chance. Tu l'écrases. Eh ben ouais, c'est clairement ouais, ça. C'est hein. Ça. Il est beau, l'égalité chez les dieux. Hein. Peut-être avez-vous entendu parler dans les personnages des furies? Oui. Hein, oui. Bon, voilà, donc on a des furies vengeresses aussi. Il y a un boxeur qui s'appelle Tyson Fury, ça n'a rien à voir, non ça... Attends, j'étais dans les furies, le cosplay d'animal. D'animal ah, oui, non, ça n'a rien à voir, oui. Merde. Donc c'est l'idée d'une vengeance qui va rétablir un équilibre. Donc on peut se dire, finalement, vengeance, on pense à quelque chose de cruel, peut-être d'inégal, etc. Et puis là dans les explications, on se dit, c'est pour rétablir un ordre. Donc ça je ne sais pas si c'est un côté positif, mais pas aussi, en tout cas, une connotation pas aussi négative qu'on aurait pu... T'as cassé ma bagnole, je te brûle ta maison. C'est équitable. Vous avez peut-être... Ça dépend si tu vivais dans ta bagnole. Vous avez peut-être entendu parler de code de l'honneur aussi. Oui, hein, effectivement. Dans les sociétés féodales, aristocratiques, on a longtemps reposé sur un code de l'honneur pour les affronts. Hein, il fallait venger son honneur. Voilà, un homme qui était agressé d'une manière ou d'une autre, même par la simple parole, devait venger son honneur. Laver son honneur. Ouais, c'est souvent ça, ça en plus. C'est ça, c'est ça. Et dans les œuvres célèbres, dans le Cid, en fait, on a un appel à la vengeance assez fort. Alors je cite celui-là parce que en fait c'est une œuvre qui est assez étudiée, notamment au collège, au quatrième par exemple, on étudie régulièrement le Cid et puis après on le réétudie. Passe pour me venger en de meilleures mains, viens me venger, je ne te dis plus rien, venge-moi, venge-toi, va, cours et me venge. La fin de la tirade est assez... Avec beaucoup de mots vengés. Ouais. Et assez connu. En Corse, qu'est-ce qu'on a en Corse? Oh. Oula. Question piège. La vendetta, on en parlait en off, la vendetta, oui. Corse. La vendetta, oui. Guerre liée à un système de parenté. On sait d'avance qui doit tuer, qui doit être tué. Hein, les guerres de famille. Parfois, ça remonte à tellement tant de générations qu'on sait plus très très bien l'origine. Oui. En gros, on se perd dans les oreilles. Mais qu'est-ce qu'ils font en Corse ? J'ai pas compris. Et je suis en train de penser les histoires de famille d'ailleurs qui remontent à je ne sais trop quoi. La semaine dernière, on a parlé vaguement de Roméo et Juliette et c'est vrai. Vengeance. Ce qui est intéressant dans le dénouement, parce qu'on pense souvent au côté tragique de la mort des deux amants qui peuvent se retrouver que dans la mort. Mmh. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui après, c'est-à-dire que les deux familles qui se déchiraient depuis des lustres vont se réconcilier par la suite. Et c'est ça qui est intéressant. Mais on sait pas de trop quand tout ça date. Mais d'accord, peu importe. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que là, je vous ai parlé de vengeance, de justice de l'autre côté. Et en fait, rien que dans l'étymologie des deux mots, il y a quelque chose en commun. Vengeance, ça vient du latin vindicare, réclamer en justice, et justice judicare, on retrouve la terminaison, le suffixe, dire le droit. Hein, donc il y a une idée de droit en tout cas, ou d'équilibre comme on disait tout à l'heure. Donc quand tu fais un carré en mathématiques, c'est la figure de justice alors. Alors c'est pas ça, déjà. La justice est symbolisée par le carré par contre. Quand on dit que tout doit être carré, tout doit être droit. Alors la justice, la balance. Ouais. Vous voyez Une balance pour. Ouais, d'accord. Ok, donc, c'est une balance pour la justice. Chercher à rétablir, rétablir l'équilibre, sachant qu'on ne peut jamais réparer. Hein, oui, effectivement. C'est la médecine. C'est la médecine qui essaye de c'est réparer. C'est plus simple. Hein. Ah ouais. plein de choses dans cette histoire. Après, je ne vais pas tout vous donner, mais peut-être un exemple au 19e siècle, la commission des grâces. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Là, en fait, c'est se dire tiens, justice et vengeance, voilà, jusque-là, c'était à peu près clair, mais bon, ça, on a pu dissimuler derrière le discours de la justice, en fait, celui de la vengeance. Et en fait, le 17 juin 1771, on a institué la commission des grâces. Et en fait, c'était une justice militaire pour régler le sort des communards. Et donc, on disait officiellement, voilà, que les condamnés à mort allaient peut-être avoir des mesures de clémence, mais en fait, on les a tous bien exécutés. Bon, ben voilà. Sans détailler, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous irez voir. Alors, on se dit, bah, on est dans un monde sans vengeance, puisque c'est interdit aujourd'hui. Alors, je dirais officiellement oui, officieusement non. Je pense qu'on a tous des moments où on savoure le malheur d'une personne parce qu'elle nous a fait une crasse ou un truc du genre. Mais officiellement, ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est comment dire, on bannit des mots du vocabulaire, c'est-à-dire désir, pulsion, envie, volonté de vengeance. Non, on parle pas de ça. Mais derrière, quand des gens viennent réclamer justice, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Vengeance. Ils vont pas forcément le dire, on va supprimer ça du vocabulaire. Mais quand vous avez quelqu'un dans votre famille qui a été sauvagement assassiné, et encore j'ai pris quelque chose de pire, mais peut-être même des choses moins graves, qu'est-ce qu'on peut venir réclamer ? Bon, voilà, moi je pas dire plus que ça, mais je pose la question, se dire, alors il faut pas dire, mais enfin on n'empêche pas les gens de penser. Oui, oui, c'est vrai. Quand même. On n'en est pas encore là. Et puis quand vous avez la pression des médias devant les tribunaux qui interviewent les gens avec pression, ils finissent par cracher le morceau. Hein, c'est justice, justice, vengeance. Ok. Bon, voilà, bah, sinon les batailles urbaines, hein, vous connaissez les bandes rivales, donc oui, ça c'est peut-être pas officiel, mais bon, on combat territoire, ethnie, trafic, enfin ce que vous voulez. Les relations entre la police et certaines bandes, est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes de vengeance bon. Eh ben ça peut, en fonction. Alors, dans quel sens après, voilà, vous, oui, vous voilà, réfléchirez c'est... aussi. Hein, mais, souvent, mais... c'est le gang qui a fait un truc illégal, les flics font une descente, un arrêt ou quoi que ce soit, et du coup, ils disent oh, faut qu'on se venge. Mais t'as fait quelque chose d'illégal de base. Voilà, puis ce qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour redescendre le climat une fois que oui. C'est dégradé. Bah, hein. c'est ouais, bon, hein. Souvent, c'est une escalade de conflits, de haine, même des fois, hein, souvent. Voilà, bon, après j'ai trouvé des mots par rapport à la vengeance, on est avoir soif de vengeance, d'un c'est ton vrai. Vengeur, des paroles vengeresses, la faire vengeance, des choses pas qui se mange froid. Par vengeance, voilà. Merci Teddy. Rancune, revanche, ressentiment, c'est un juste retour des choses. mesure de rétorsion, en réponse, en réaction, règlement de compte. Conséquences de, je sais pas quoi, des représailles. Bon, il y a plein de termes. Ah, il y a alors le respect. Ah, on demande le respect. Tout un chacun. Là, je veux me venger dans le respect. L'honneur. L'honneur. Là, mais ça a peut-être plus le même sens que chez Aristo avant. Mais bon, on a toujours ça. Hein. Je demande la justice, pas la vengeance. Mon cul. Non, mon cul n'était pas dans la citation, mais non, mais enfin, excusez-moi, quoi, ça va c'est bien, pareil. Ça va bien le paraître de cette société qui s'enfonce. Quoi. Bon, voilà, j'ai fini. Allez. Bon, bah, pour faire passer tout ça, on... dans la musique, dans la musique. Ouais, ouais. Carla des Cognac. Ah bah, coup de cognac. Dure tout. Peck Avenger, c'est comme dans One Piece. Allez, t'es un homme. Arrête de pleurnicher. Je peux pas. Mais en différent. C'est sûr que oui, c'est bien différent ça quand même, la vengeance. Ouais, bah oui. On vient voilà. D'apporter un verre sur lequel il y a écrit ouais. Vengeance, parce qu'on m'a dit, comme tu as soif de vengeance. Forcément, fallait aller avec. Ça a quel goût? Je pourrais tout à fait retourner dans le studio et lui balancer. À la gueule ah, ça pourrait être une vengeance aussi. Voilà, mais je tiens encore à faire un petit boudin des stars, donc on attendra quelques semaines. D'accord. Et on. Alors, comment on peut appeler ça après le conte de Monte Cristo? Est-ce qu'on peut dire que c'est... Bah, c'est de la pop culture, quand même. Je t'avoue, je connais pas, je sais même pas si c'est un... Bah, attends, c'est un conte, donc c'est une histoire. C'est un roman. C'est un roman. C'est un roman, oui. D'accord. Donc oui, c'est de la pop Alexandre culture. Alexandre Dumas, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, dans les années 1830-40, je crois, quelque chose comme ça, 50. Je saurais... Milieu, on va dire milieu de je saurais pas, mais Alexandre Dumas est connu, on peut dire, est-ce que c'est vieux mousquetaires aussi. Hein. Mmh. Là, on peut faire la question, est-ce que c'est vieux? Oui. Oui. Oui, là, c'est vieux, c'est vieux, oui. Là, tu peux, t'as le droit, oui. Bon, bah, c'est vieux alors. Et c'est toi, Océane, qui va nous en parler, t'as l'air c'est mort de rire. Ouais. Elle a même pas commencé que ça. C'est fini alors, déjà. Les vengeances étaient tellement drôles qu'elle est explosée de rire là. Ah ouais? Non, donc. Si t'as soif, j'ai un verre. non, j'ai ça pas y est. Sérieux. C'est un vrai verre de vengeance qu'il a. Hein. Ouais. Du coup, je vais vous parler du conte de Monte Cristo. Oui. C'est un roman, du coup, comme a dit Thierry, d'Alexandre Dumas. Il y roule au début du 19e siècle. En gros, c'est l'histoire d'un homme emprisonné injustement dans un château, c'est le château d'If, et donc qui va se venger. Alors, c'est d'accord. La personne qui se venge, pas le château, hein, je précise. Oui, hein. Oui. Il n'a pas un masque de fer? Non, c'est pas lui. Non. Raté. Putain, j'ai vu un film comme ça, mais... Après, Daniel, le château, il peut se venger. Il fait tomber une petite pierre sur la tête de quelqu'un. Absolument. C'est bon, il se venge. C'est un rapport avec Napoléon, non? C'est pas ça? Le masque de fer? Non, le comte de Monte Cristo. C'est juste après l'époque de Napoléon. Je crois que c'est à l'époque de la ce qu'on appelle la restauration. Donc Louis XVIII ou Louis-Philippe, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, un resto, c'est pas un resto. Donc, du coup, l'homme qui a été emprisonné, il a rencontré un compagnon de cellule et qui lui donne une carte d'un trésor. Oh, c'est cool ça! Il lui donne une carte Pokémon. Mais là, alors ça dépend laquelle, hein, vu qu'il y en a, ça peut être de sacrés cadeaux les cartes Pokémon. Hein. Oui, n'est-ce pas, ouais, c'est des sacrés trésors. Surtout s'ils survivent plusieurs siècles ou millénaires pour les revendre. Enfin, moi, pour la carte au trésor, je veux bien aller en taule, hein, si vraiment il devient riche. Vrai. Revenons en taule avec le comte de Monte Cristo quand même. Voilà. Et donc, du coup, Edmond Dantès devient. Dantès. Devient un momentanément riche et se venge. D'accord. Ah oui, du coup, il a trouvé le trésor et il est devenu riche. C'est ça. Ouais. Immensément riche. Il a une fortune, tu peux pas imaginer. Bon, bah, j'imagine pas. Il a trouvé le Draco feu de première génération. Et ça, ouais, c'est ça. Ça rend con quand on devient trop riche trop vite. Hein. Je crois qu'il était plus riche que Jeff Bezos et puis machin là de Microsoft réuni. Bill Gates. Bill Gates, voilà. T'as pris la bonne quête, la bonne porte pour rentrer, c'est bon. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Océane. Non, mais c'est un genre de baptême avec toutes nos conneries, là, pour t'interrompre, en fait. Hein. En plus, j'aime bien Alice et Feuille, mais tu sais, elle a des lunettes depuis hier. Putain, elle est recule, elle est géniale. Putain, attends, il y a un truc qui cloche. Je vois pas avec tes lunettes. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même la pardonner. Tu vois pas avec tes lunettes, c'est qu'il y a un problème. Non, mais il faut quand même préciser, pardonner un petit peu la Océane, parce qu'elle vient d'avoir des lunettes, donc il faut le temps qu'avec sa vue, ses yeux, ça s'adapte. Il faut le temps que ça monte aussi. Elle vient d'apprendre à lire. C'est tout nouveau pour elle, elle vient de réapprendre à lire correctement. Ça, c'était une vengeance, ça. J'adore. Oui. Why. Ça y est, et on l'a perdu. Allez. Ah non, bienvenue à l'école des monstres. Non, non, le temps que tu te remettes, donc on n'est pas dans Assassination Classroom, ça va, il n'y a rien au crâne. Voilà. Il s'est évadé, c'est ça. Il est évadé, il a trouvé le trésor, il fait quoi? Ou il devient quoi? Il devient qui? Il devient qu'est-ce riche. Oui, ça, quand t'as trouvé un trésor, normal. On a compris, hein. Et après, il se venge. Comment? Pourquoi? Bah, il se venge. Si, pourquoi? Parce qu'il est enfermé dans le château, j'imagine. Mais oui, il se venge du château. Mais comment il fait? Elle arrive pas à se relire, la pauvre. En fait, j'ai pas lu le livre. Donc... Ah non, mais il y a des films. Tu peux quand même. Ça, fallait pas le dire. Ça. Mais je vais le lire bientôt. Ah ouais? Quand j'aurai le temps. Non, alors, l'histoire, on va un petit peu l'aider quand même. Hein. L'histoire, oui, il se venge, il se fait passer pour quelqu'un bah, qui est devenu un homme. Il se fait appeler le comte de Monte Cristo. Voilà, donc, d'accord. D'où le nom. D'où le nom, oui. Voilà. Il est devenu tellement riche qu'il commence à prêter aux autres riches. Enfin, il a une fortune telle. Ben, c'est le plus puissant de Paris, de la France. Oui, il se crée une nouvelle vie. Quand je disais, je faisais un rapport à Jeff Bezos et Bill Gates. C'était un peu le Jeff Bezos et Bill Gates de l'époque, hein, pour comparer. D'accord. Pour imaginer. Sauf qu'on sait à peu près d'où vient l'argent. Mais à quoi ressemblait la Silicon Valley à l'époque? Elle était juste vallée. Ouais, c'est ça. Elle n'était pas siliconée encore. C'était peut-être la vallée de l'acier ou du charbon. Peut-être. On va savoir. Et du coup, pour se venger de ceux qui l'ont emprisonné, parce que j'imagine que c'est de eux qu'il va se venger. Ouais. Comment il va s'y prendre? Qu'est-ce qu'il va vraiment faire? Il va racheter le château, il va les mettre non, à la porte. Il y en a, il va les ruiner. Il va les incendier. Les coups. Il y en a, il va les ruiner. Ouais. Il y en a, pousser à se suicider. Ouais. Moins classique, mais tout aussi efficace. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, quand même, en précision, il a été enfermé, donc dénoncé à tort, oui. Ouais. Parce que quelqu'un était amoureux de sa fiancée. D'accord. Juste pour ça. Voilà. Donc on va dire, il a été enfermé juste pour que l'autre lui pique sa fiancée, quoi. Et puis il l'a fait en plus, hein, le salaud, hein. Est-ce qu'il se venge de sa fiancée? Non, il se venge pas. Parce qu'elle t'est contre? Bah, elle t'est contre la vengeance, oui. Ah non, je veux dire, contre l'idée. Enfin. Non, c'est pas ça. Elle aurait pu vivre à notre époque, celle-là. Ouais, je crois, ouais. Parce que c'est. Officiellement, elle je l'aimait, suis contre. En fait. Officieusement, oui, elle je suis pour. Elle l'aimait, donc elle aimait Mondantès. Elle a été obligée de suivre, en fait, parce que voilà, mais. Voilà, c'est ça, ouais. Oui. Et. Mais de base, elle est retournée avec. Après, non. Ouais, alors là, je laisserai quand même la fin pour ceux qui la connaissent pas. Hein, d'accord. C'est une histoire vienne comme le monde. Ah, non, mais il y a eu beaucoup de déclinaisons d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de films de fées, n'est-ce pas? T'as relevé ça, Océane? Oui, les oui, films oui. De fées, toutes les déclinaisons. Oui. Qu'est-ce qu'il y a alors dessus? On peut dire que c'est devenu une œuvre majeure de la pop culture, même si c'était à une époque au 19e ouais. Où on ne parlait pas encore, la pop culture n'était pas née. Oui, du coup, il y a eu plusieurs adaptations. Il y en a eu au théâtre aussi par Dumas. Il y a eu 3. La première en 1848 et la dernière en 1851 à peu près. Ça se fait 3 ans entre les deux. C'est ça. Bon, c'était pas encore la pop culture, mais c'est vrai qu'il avait. Déjà à l'époque, mettre une œuvre littéraire au théâtre, c'était déjà une. J'allais dire, il a commencé à poser les bases peut-être aussi. Ouais. Oui. Donc, Ensuite, il y a aussi à la radio aussi. qu'il y a eu. Il y avait de la radio en 1800. Sur France Q. Il y avait pas de radio en 1800, machin. Non, c'est plus tard. Ça. Ah oui, merde. Des adaptations qu'on a faites pour c'est dans les années 70, pour écouter 80, quoi. 80, c'est ça. Ouais, 60 peut-être ouais. Au niveau de la radio. D'accord. Comment ils font ça pour l'adapter en radio? Non, mais c'est un petit peu ce qu'on fait quand on fait des sketchs, nous. Ah oui, voilà, ils faisaient, mais. Voilà. D'accord. Voilà, non, ils adaptaient pas visuellement à la radio, donc. Non. Ensuite, on voit pas avec les oreilles encore. Non. Il y en a eu au cinéma aussi. Ouais, avec des films, j'imagine. Ouais. Il s'appelait comment ? La première en 1908, la dernière en 2002. C'est quoi 2002 le nom du film ? C'est Le Comte de Monte Cristo, bah oui. Tout simplement. Oui. La plupart s'appellent Le Comte de Monte Cristo. Il y en a eu beaucoup de films différents sur Le Comte de Monte Cristo. Du coup, ils ont été réalisés aux États-Unis, France, Italie, Allemagne et Autriche. Ah, c'est devenu interne. On a exporté Le Comte de Monte Cristo. Je sais que c'est pareil pour la pop culture. Il y a beaucoup d'œuvres qui s'en sont inspirées, par exemple Les Simpsons. Quand on en a parlé, j'ai pensé directement à un épisode des Simpsons où c'est basé dessus. Ah, ouais, c'est exact. Carrément. En animation, il y a eu des animations, il y a eu des choses comme ça. T'as déjà donné une des réponses d'Océane, là. Ah, merde. Qui était prévue. Ouais. J'ai voulu aller trop vite. Mais si ça se trouve, on va aussi finir dans les Simpsons. Bah, peut-être. On va savoir. Peck Avenger dans les Simpsons. Ah. Tiens, on va contacter Mike Groening, on va y proposer, tiens, après tout, ouais. J'ai pas envie d'être tout jaune. Après, la force, c'est qu'on est. On est le bon nombre, on est 5. Bah, tu joues quoi, Maggie? Oh, non. Non, c'est pas moi qui joue puis Maggie. Si, y en a un trop. Bah, c'est le plus jeune qui joue Maggie. C'est Océane, c'est pas moi. Ah ouais, par contre, attends, si on prend le prince. Je comprends pourquoi elle a des problèmes pour parler, alors hein, si elle doit jouer à Maggie, il y a des soupçons. Ça, c'est ce qu'on appelle une petite. Un petit taquet. Un petit pic, ouais. Attendez, mais les gars, vous faites ça parce que je suis la seule fille ce soir? Ou c'est tout le temps comme ça avec moi? Non, c'est parce qu'on t'a. Non, bah, si t'es tout le temps la seule fille. Tu te rends pas compte que tu prends cher tout le temps? Nous continuons, vu que j'ai un peu vendu. Il y en a aussi eu à la télé aussi. La première en 1956 et la dernière en 2016. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu aussi en animation. Ouais. Il y en a eu une seule adaptation japonaise en 2004. C'est une série de 24 épisodes. Ils ont fait 24 épisodes. Waouh. Ouais. Oui, mais je pensais d'ailleurs à la télévision. On pensait tout à l'heure cinéma, forcément. Film, mais la télévision, c'est une série. Si Comte de Monte Cristo, je sais pas combien ils ont fait, mais il me semble qu'il y a une série. Il y a eu des téléfilms, mais il y a eu une série à la télévision. Ouais. D'accord. Et pour l'animé, il s'appelle comment du coup? C'est une série qu'elle disait pas forcément. Elle a pas les titres. J'ai pas les titres. Non, t'as pas. Je les ai plus en tête. D'accord. Gros chat. Ensuite, il y en a aussi dans. Il y en a une dans les jeux vidéo en 2015. Oh! Ouais. On marque, c'est pas dis-moi trop pas étonnant. Que ça s'appelle le comté de enfin, le comte de Monte Cristo. C'est The. Witcher 3. The Witcher 3, c'est inspiré du comte de Monte Cristo? Oui. Bah, je suis pas sûr qu'il y avait des griffes. Enfin, non. Pas inspiré. Il y a des références, pardon. Ouais, parce que The Witcher, c'est déjà un bouquin de base. Oh oui, mais il y a des références au conte de Parce que j'y joue là actuellement, donc. Ouais. Où est-ce que. Alors oui, il y a des histoires de vengeance. Mais bon, en même temps. Ah, c'est pour ça que tu y joues, alors il y a des histoires de vengeance. Ah non, parce que c'est génial, The Witcher. Il y a même pas besoin de vengeance spécialement, The Witcher c'est génial. Mais apparemment, je sais pas, Océane, si tu veux dire ce que t'as écrit, parce que je pense qu'il y a un lien là avec quelqu'un qui s'est évadé d'une prison réputée pour être infranchissable. C'est ce lien-là qui est fait. Autrement, j'ai la Befaria, cette voilà. J'ai été chercher et le nom de la série japonaise, c'est Gan Kutsu. Ah oui, c'est ça, je savais. Ah oui, bien sûr, ça se sentait. Ça se sentait que t'allais le dire. Ouais. tu peux le redire là? Gan Kutsu. Il y en a aussi une adaptation en poésie en 2015. Ouais. Ils ont fait des poèmes avec Monte Cristo. Ouais. Des poèmes sur la vengeance. Alors ça c'est beau. Ah bah ça c'est sûr que ça existe pour le coup. Oui ça. Il y en a un qui a fait mon ami la rose, je sais pas quoi, qui ce matin. Il y a mon ami la vengeance qui ce matin a coupé les jambes de mon de mon voisin. Pourquoi pas. Ouais. Et le poème c'est la balade lunaire de Jack Sama. Ah, c'est pas pareil, monsieur. Non, c'est pas la même chose. Ça sonne presque bien, tu vois. Ça sonne pas Vengeance. Qui est un recueil de poèmes, plus qu'un oui. poème. Oui. Ouais, donc d'accord. C'est plein dans lequel il y a le poème Le Comte de Monte Cristo. Okay. D'accord. Ensuite, il y a aussi en comédie musicale, il y en a 4. La première en 2006 et la dernière en 2013. Ah, ça n'a pas échappé. Des comédies musicales Monte Cristo. Ouais. Elle s'appelait comme ça, Comte de Monte Cristo, ou elles avaient un nom particulier? Il y a eu des contes qui s'appelaient Le Comte de Monte Cristo, oui. D'accord. Alors imagine, t'es dans la cellule. L'abbé Faria, soyez gentil, donnez-moi votre carte au trésor. Tu vois un peu le conte musical. T'as un problème avec la carte au trésor, Daniel. Ah ouais. Oui. Non, mais là, dit comme ça marche pas. Hein. Non. Non, mais après, à partir du moment où ça a été un succès avant, on en fait un succès commercial, je veux dire. Oui, c'est vrai que oui, c'est assez souvent quand même partout. Ça va ensemble. Ensuite, il y a aussi en musique, il y a eu 3, la première en 1985. Quoi ? Des musiques, Le Comte de Monte Cristo ? Ouais. D'accord. La première en 1985 Indochine. Et la dernière en 2010. Quoi ? Ah Indochine ? Ouais, ouais, ouais. Apparemment il y a un titre qui est en référence à. Avec un. D'accord. Ah ouais, d'accord. Le Comte de Monte Cristo. Oui. Bah comme plus ça. Pense, plus ça te dit un truc, c'est oui. ça ? Oui. Ensuite, il y en a aussi à l'opéra. Aussi. Ouais, bah ça c'est normal. Mmh. En 1849. À l'époque. Au Moyen-Âge. C'est vieux. Oh. Après, on me dit sur moi, mais là, Teddy vient d'en mettre une qui était pas mal aussi. Elle a dit 1800. Oui. Ah. Bah, c'est Renaissance, puisque. Oui, mais c'est brave. Personne n'est né en 1800 ici. Que c'est un jeu. Personne peut sortir avec ça pour l'année 1800. Ou alors, on le sait pas. Ouais, c'est ça le truc. Ou alors, vous êtes pas au courant, et là, c'est un peu plus grave. C'est plus quand tu dis 2013. Aussi, on a eu ça aussi en bande dessinée. Mais c'était pas 2013, moi, donc ça. On a eu 12 en bande dessinée. La première en 1971, la dernière en 2017. C'est pas tout. Ouais, c'est pas. On est dans ce. Ouais. Bah, attention à ce que tu dis. Ouais. Si tu veux pas faire une Kevin. Et pour ceux qui ont raté, faut aller écouter le podcast Science où je parle de Rick et Morty qui est sur indestar.fr. Qui est apparemment très très vieux. Oui. C'est sorti l'année dernière. Alors. Non, c'était, je parlais plus du buzz autour, mais bon, on va revenir au Comte de Monte Cristo. Ah, c'est vrai, je suis allé chercher les paroles là, d'Indochine, ouais. De Monte Cristo. Apparemment, ça raconte bien l'histoire. Hein, d'accord. Emprisonné, ça parle de la femme, etc. Les c'est... réfugiés, bon, plein de choses. C'est une de leurs musiques célèbres ou... Ben, je pense parce que. Enfin, ça m'est revenu à un moment, je me suis dit, Monte Cristo, ah oui, il me semble. Mais par contre, j'avais jamais fait attention aux paroles. Et là, tu les as sous les yeux, ouais, c'est vraiment une référence à l'histoire. Il y a même les noms. Hein. D'accord, ouais, ils ont vraiment tourné. Oui. Okay. Il te reste des choses au CERN ? Oui. D'accord. Oui. J'ai des hommages et touristes culturels. Eh ? Des hommages au tourisme culturel ? Ouais, c'est-à-dire que c'est des événements qui rendent hommage ou alors une histoire de tourisme autour du Comte de Monte Cristo. J'ai peur d'un événement qui rend hommage à une histoire de vengeance. Qu'est-ce que tu viens bien faire dans ce genre de festival ? J'avoue que vu comme ça... À part te venger. Un nom de rue avec des taches de sang. La rue sanguinaire, non, c'est trop... CJ... C'est trop violent. La Daniel. Oui. Tout non. À fait. Non, c'est oui. pas mal. D'accord. Non, mais tu vois, elle est d'accord, hein, au moins. Oui. Attendez. Ah oui. Non, on attend non. pas. Vas-y. Il te reste quoi ? On va combler. Là, oui. Vas-y. En vas-y. 1935, du coup, la Anne. À la Havane. Havana. À la Havane. À la Havane. À la Havane, la capitale de Cuba. Donc, c'est ce que j'allais dire, c'est à Cuba. La cigale de Marc, je le savais. Ça a été créé. Le cigare de Monte Cristo. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Putain. Je suis triste. Ah ouais. Je connaissais juste le cigare en fait. Oh, c'est déjà pas mal, on va dire. Ensuite, en 2003, il y a un timbre qui a été mis par la Poste française. D'accord. Ouais. Comme il y en a sur quasiment tous les personnages. À l'effigie du Comte de Monte Cristo. Mais ils ont attendu quand même 2003, hein, parce plus que... de 200 ans pour faire un timbre. Du coup, ouais. Le Comte de Monte Cristo, c'est une histoire vraie ? Non. Non ? Non. C'est peut-être inspiré, c'est ça, non ? C'est légendaire, je pense. Ouais. D'accord. D'accord. Mais après, des fois, ça prend tellement de... d'ampleur. Ça prend tellement, comme on dit, qu'on se demande, on finit par se demander. Ouais, je vois, d'accord. Ça marche. Comme les chevaliers de la table ronde. Ouais. Enfin, là, il y a plein de choses. Oui, ouais, il y a tellement même de chez Jules Verne, je veux dire. Oui, ouais, Jules Verne visionnaire, mais enfin, ce qu'il a inventé à la base, c'était pas du réel, mais ça prend tellement. Et puis après, le progrès fait que des choses se réalisent, donc on finit par y croire. T'as encore quelque chose à nous dire sur sur le conte de Monte Cristo? Bon, je vois que t'as du mal avec tes lunettes. Tu veux qu'on s'en occupe? Ah, les deux bêtatifs. Non, mais elle a des problèmes à voir. Je la vois là. Tu vois, il y a des gens là, ils font la mise au point avec les jumelles. Bah, elles, bah, ils sont pas faits encore. Ils ont pas livré la mise au point avec les lunettes. Ils sont en cours de réglage. Non. Alors. Pourtant, c'est écrit en 44 sur sa feuille. Ouais. J'adore l'anecdote. Un mot par ligne ou par page. Alors, j'adore. Donc, le château d'If, il est au large de Marseille. Ouais. Et donc, dès 1848, ils ont organisé des visites dites des cellules d'Edmond Dantès et de l'abbé Faria. En 1848. C'est donc que déjà ça avait pris Oui, parce que sinon c'est vrai que c'est très moderne aujourd'hui même de faire des hôtels dans les prisons, ça. Mais à 1848, pas mal. Hein. Ouais. Ils avaient même poussé le réalisme à creuser une galerie entre les deux cellules. D'accord. Bah alors celle que je préfère pour commémorer l'évasion du comte de Monte Cristo, ils ont organisé alors en 1999, depuis 1999, pardon. Ils organisent une traversée à la nage entre le château d'If et la plage où il est normalement arrivé. Il a repris pied sur terre. Ah ouais, ils sont partis loin là. Et t'as les bateaux des marins pêcheurs qui repêchent qu'ils peuvent, quoi. Ouais, parce que quand tu rates ton évasion, en fait, c'est que tu meurs noyé. C'est con. Et de là la légende des grosses sardines qui pêchent à Marseille, tu vois. En fait, c'est des bonhommes. Ouais, ils sont noyés pendant la traversée du château. Bon, l'Italie de Sardine était parce que, bonhomme. C'était une prison sur l'eau, enfin sur une île, hein, grosso modo. C'est Fort Boyard en fait. Ouais, sauf que c'est sur une île quand même. Un peu comme Alcatraz aux États-Unis, non? Ouais, c'est un peu comme Alcatraz. Oui, il y a plein d'histoires d'îles et en plus qui sont soit vraies, soit légendaires, mais beaucoup, oui, les exils forcés. Ouais, parce que par contre, le château d'If, comme vous voyez, il existe lui, par contre. C'est pour ça quand Thierry parlait de légende, oui, c'est une légende, oui. D'accord. Mais ce qui est fort d'ailleurs chez des auteurs comme ça, c'est qu'ils prennent des vrais noms de lieux et qui mettent des personnages. Ouais, ils mettent plein d'éléments vrais et ils mélangent pour faire une histoire. Tu sais plus quoi. C'est salaud, hein. Pour créer vraiment l'illusion de réalité, qu'on peut avoir même dans une fiction où il y a rien qui existe, hein, si c'est bien fait, mais ça peut être un bon procédé aussi. Bah, c'est souvent ce qui marche bien dans ce qu'on appelle les univers étendus, dans le sens, par exemple, dans Seigneur des Anneaux, il se contente pas uniquement de raconter. Il n'y a pas que trois films en fait. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein de trucs aux alentours qui te permet d'avoir un monde. Pas réaliste, plaît, mais du coup, tu sais que c'est faux, hein, mais tu sais que tu verras pas des hobbits ou des dragons, ce genre de trucs, mais ça donne une impression de réaliste et t'as l'impression d'être dedans, quoi, clairement. Oui. Et aujourd'hui, ça peut être une stratégie marketing parce que, en fait, les lieux, si tu prends des lieux qui existent vraiment, après, ça attire des touristes dingues. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, on peut les attirer en musique aussi, les touristes, peut-être. Tu crois? Ouf. Si on met de la bonne musique comme sur Indestar, on peut J'espère que les qu'on attirer. N'attrape pas les mouches avec. C'est vrai. Et ben qu'est-ce qu'on met alors? J.R. Stitt. Alors c'est un bootleg, donc on a pris. Donc il y a deux musiques qui ont été fusionnées, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Fusion. Vengeance. Et là c'est Locket Out Hot Even avec Easy on Me. Vas-y, je passe. Peck Avenger, c'est comme dans American Pie. Une fois, au stage d'été, les batailles de polochons sont interdites. On en a quand même fait une et c'était trop fun. Mais en différent. Oh, c'était fun. Ouais, ça se voit, c'est alors. Fun, ouais, wow. C'est le moment de le dire. Pourquoi pas? T'as déjà fait une bataille de polochons? Alors non, et ça me tenterait pas. C'est trop bien. Ce qui te tente peut-être, c'est d'écouter les podcasts, non? Ah, ça c'est génial, ouais, ça. Mais appelle-moi Dieu. Ça va, te la pète pas non plus. Non. Hein. Si tu veux être l'égal des dieux, j'ai un système de vengeance, justice. Et de balance. Enfin, tu vois. Alors, parlant de vengeance, il y a des séries de films qui ont repris le principe un petit peu, même plusieurs, mais il y a Jason Bourne notamment. Jason Bourne. Oui, alors il faut dire, en avoir pour se venger. Amicalement. Ne confondez pas avec Bourne, c'est bien Bourne, mais bon. Toujours dit Bourne. Il ne cesse de me le répéter depuis tout à l'heure, on va parler de Jason Bourne. Non, c'est Bourne. Voilà, Bourne. Et il le dit en étant convaincu, hein, vraiment. Ouais. Parce que c'est écrit, hein, c'est tout. Hein. Parce d'accord. que la légende veut que ce O s'est rajouté après. Pourquoi pas, t'es dit les... Est-ce qu'on a mis les burnes dans l'eau? Je ne sais pas. Et du coup, hein, on ne sait plus bon, quelle est vraie. Ouais. Si on a dû mettre de l'eau dans les burnes, ça fait bon. Oula. Ouais. Alors, au départ, c'est adapté quand même d'un... d'une série de romans qui est paru en... le premier en 1800, pardon. Je suis... Ça y est, je suis ça y avec t'es perturbé. Dumas, là, par, ouais. Par rapport au conte le de conte de Monte Cristo t'a perturbé. Voilà, en 1980. Et le premier film, qui est tiré du, d'ailleurs du premier... livre. Premier livre, lui, a été est sorti sur les écrans en 2002. Donc, c'est le premier roman, c'est Robert Ludlum. Oui, je sais, ça fait rire, mais bon, c'est comme ça. Ludlum. Hein, d'accord. Alors, peut-être qu'il y a une autre prononciation, c'est peut-être un pays nordique, mais... Il y a la prononciation de Kevin. Alors, Kevin, c'est comment? L-U-D-L-U-M. Ludlum. Ouais, bah, il n'est pas loin de moi, finalement. Je dis un truc comme ça, donc... Voilà. Alors, juste pour juste pour présenter quand même vite fait le livre, c'est un dénommé David Webb qui est diplomate spécialiste de l'Extrême-Orient. Il vit avec Phnom Penh, avec sa femme et ses enfants. La femme et les enfants sont tués par un avion. Il mitraille tout le monde. Et là, David Webb décide de se venger. Il s'engage dans une expérience gouvernementale qui s'appelle Méduse. C'est médusant. Voilà, et donc après tout un tas de péripéties, il y a un agent double qui se fait tuer qui s'appelle Jason Bourne. Et là, il prend le nom de Jason Bourne dans le projet Treadstone. Treadstone. C'est un acteur. Voilà. Non, le rôle de Jason Bourne, je vais insister hein, quand même, pour que les gens se trompent, est tenu par Matt Damon. Alors, on en parle carrément. Dans 4, ouais. Il y a 5 films, mais on le voit que dans 4 films. J'expliquerai il tout à mort l'heure. Il est mort dans 5. Voilà. Non, il est toujours pas mort. Et il y a peut-être un sixième de prévu. Peut-être. D'accord. Peut-être. C'est comme le James Bond. Ça s'arrêtera jamais. Ah, mais. Allez. Il va se venger à tous les films ou ça se commence Peut-être. Il insiste sur son peut-être, toujours. On écoute un extrait de la première bande-annonce du La mémoire dans la peau, qui est le premier des films. Et après, je vous en parlerai un petit peu. Il veut savoir ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il a disjoncté. Mais il n'a plus de mémoire. Il est entraîné. Conditionné. Conçu pour se volatiliser. Je n'ai pas d'histoire. Tout ce que j'ai de mon passé remonte à 15 jours. Amnésique? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à Paris? Un nom. Jason Bourne. Ça répond pas. C'est que t'es pas là. Monsieur Bourne! Je reconnais rien de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air tranquille? Faut partir d'ici. On n'est plus en sécurité. Il est incontrôlable. La décision s'impose d'elle-même. Je vais mettre un terme à tout ça. Ah, tu mets un terme à tout ça. En fait, ce qui est rigolo, c'est ça répond pas, c'est que t'es pas là. Ça, oui. Ça... Celle-là, elle nous a tous fait sourire. Mais y en a Jason, chez Valobourne. Alors, ce film commence avec un... Ça y est, il est explosé. Tiens, il est explosé. C'est bon. Ça commence dans la mer, en Méditerranée, avec un cadavre qui flotte. Bon, juste un cadavre d'accord. qui flotte. Là, d'accord, c'est sympa comme début. Hein. Ouais. Il est repêché par des marins pêcheurs dans un chalut. Mmh. Alors t'imagines, dans le chalut, au milieu du poisson, il devait sentir chalut. Bon le pot. Ouais. Chalut, ça va? C'est ce que disent tous les chats, voilà. C'est ça, quand ils se voient. Et donc là, lui, en effet, il est amnésique. Alors il y a une histoire avec... à ce moment-là, je vais trop vite. À ce moment-là, donc, le pêcheur s'aperçoit qu'il le soigne, qu'il y a quelque chose, un objet dissimulé sous sa peau. C'est très important parce que ça va lui permettre de retrouver petit à petit la mémoire, de comprendre les choses. Hein, c'est ça l'origine. Et en fait, il a un genre de... Je croyais que c'était son pass vaccinal. Une petite capsule qui référence un compte numéroté à Zurich, donc en Suisse. D'accord. Et là, dedans, il y a une fortune, il y a des armes à feu dans une mallette. Enfin, parfait. C'est dingue comme l'argent peut redonner la mémoire. Des fois, ouais. T'as vu, il suffit quand t'as des sous, t'achètes, c'est quand bon. Quand on interroge des gens, des fois, tu leur donnes de l'argent, ils parlent. C'est vrai. C'est vrai que oui. Assez il y en a souvent. D'autres qui préfèrent la torture. Bon. Ils parlent aussi, mais sous forme de cris. Alors là, après, il faut quelqu'un pour déchiffrer les cris, souvent. C'est... Oui. Et si t'as pas le bon traducteur, bah évidemment, les messages. Peut-être que Jason Bourne peut. Je ne sais pas. En tout cas, c'est là qu'il rencontre. C'est pour ça que c'est important, Zurich. Il rencontre Marie Kreutz. D'accord. Ah, hein, qui l'emmène à Paris. C'est elle qui dit, d'ailleurs, dans l'extrait, si ça répond pas, c'est que t'es pas là. Hein, ouais. C'est vrai que c'est une logique implacable. intelligente. Voilà, donc, alors inutile de vous dire que bah, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Ouais. Voilà, ils s'en vont ensemble, ils finissent après moult péripéties. Jason Bourne retrouve Marie en train de. Qui tient finalement un commerce de location de scooters à Mykonos. Hein. Waouh! Pourquoi pas? Le métier de rêve, bordel! Ouais, là, je trouvais le détail tellement formidable que je me suis dit, il faut en parler. Ouais. Alors, ce premier film n'a pas vraiment de vengeance, mais il pose les bases de la suite. D'accord. Ouais. Donc, ouais, c'est un film, et après, ça va être une grosse histoire de vengeance par voilà, rapport à ce premier film. Ça va commencer là. On écoute un peu le deuxième? Bien sûr. Le générique mais qu'un petit peu alors. Voilà, le générique de la mort dans la peau. On est grillé. Jason, je ne veux pas que tu fasses ça. Comme si on avait le choix. Jason Bourne est réapparu sur les écrans à Internet. Il commet sa première erreur. Ils ne font jamais d'erreur. Il sait exactement ce que vous aviez prévu. Il vient nous trouver. Pourquoi sont-ils après moi? J'en sais rien. Il peut jouer des années comme ça. Vous le verrez quand lui l'aura décidé. Oubliez-le, c'est fini. Soyons un peu plus offensifs. Vous n'avez aucune idée de ce que vous affrontez. Ils savent que tu es là et ils arrivent. J'ai combien de temps? Où est-il? Derrière vous. J'aime bien, ils ont pas dit combien il avait de temps. Non. Ah, je l'ai peut-être supprimé aussi. Ah. Mon... Oui, ça peut, oui. Ah, T'as combien de temps? Non, non, je sais pas. C'est pour laisser le suspense. Alors là, justement, alors, dans ce film-là, La mort dans la peau, il y a une mafia qui s'en mêle, qui veut aussi descendre Jason Bourne. Ouais. Et là, bon, bah, il se trompe, il descend pas de Jason. Il descend de Marie. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça va être la première vengeance. Il va, donc, Ils se sont dit que Jason Bourne pouvait être une fille. Bourne, pas Bourne. Je sais que tu l'as fait exprès en plus. Mais bien ça, sûr, oui. J'adore dire Jason Bourne. Mais voilà. Ouais, du coup, il tue une fille. Il voilà. Tue sa copine. Il s'appellerait Jason. Oh, voilà. Bah, c'est pas grave. Non, non, non, non, non, il mélange tout là. Oui. Ne l'écoutez pas, n'écoutez pas Teddy. Bah, parce comme que... d'hab, faut jamais voilà. L'écouter de toute façon. Mais attends, là, c'est ça, là où ça devient fort, c'est que non. Dans un premier en temps. En gros. La mafia qui est engagée tue la copine de Jason Bourne, qui est Marie, et Jason en pensant va que c'était Jason. C'est... Oui, en pensant qu'ils voilà. Avaient tué Jason. Ouais, donc ils sont vraiment teubés, c'est bien ce que je pense. Non, c'est que en réalité, donc je vais te raconter la scène, c'est que bah, il fuit avec en voiture avec un 4x4, donc derrière tu ne vois pas très bien. Ah ouais, ils ont et tiré à la avec un siège intégral, mais c'est Jason qui conduisait. Oui, d'accord. Et entre temps, pour pouvoir lui descendre et essayer de descendre le tueur. Donc il est descendu de la voiture, il a laissé le volant à Marie. Ouais. Et donc Marie, donc le. Elle a été poursuivie et boum. En quelque sorte, oui, elle a été poursuivie, c'est pas tout à fait ça, c'est pas grave. Mais c'est elle qui a donc pensant pour lui, il a tué le chauffeur, donc il a tué Jason. D'accord. Voilà. Ah oui. Et dans un premier temps, Jason croit que c'est donc son employeur, la CIA. Qui a monté le projet Treadstone, qui voulait l'éliminer et qui a tué donc le Barry. Oh putain, il donc, va se venger de son propre service. Voilà. Putain. C'est tiré, enfin c'est pas tiré par les cheveux, mais c'est putain. Ça va loin. Oui, il suppose, tiens, je pense que c'est toi, je te bute. Je sais si on en a perdu des cheveux. Après, c'est vrai qu'ici, il y a du monde qui a perdu des cheveux. Ouais. Oui. Je me sens pas visé, perso. Faut arrêter de regarder les films de Burn. Et la question, c'est est-ce que c'est Cosby Burn? Non. Si vous aimez les films à suspense, remarque, franchement, c'est fait pour vous. Hein. C'est plus alors, quoi, film d'action, film de. Il y a suspense d'enquête. Et action. Suspense et action. Action. Bon, alors il y a évidemment un fond d'enquête, mais c'est plus suspense et action qui prennent quand même le d'accord. Dessus, hein, quand même. Hein. D'accord. Alors, je vais quand même juste vous parler des deux scènes finales parce que le début du troisième film est entre ces deux scènes finales. Okay. Ah, ils ont compliqué d'accord. Les choses. Ouais. Donc, l'avant-dernière scène, c'est Jason Bourne qui révèle à une jeune fille de 16 ans bah, qu'il a tué ses parents dans le cadre d'un contrat. Que normalement, il y avait okay. Son père. Oui, il y avait son père qui devait être assassiné, mais pour lui. Il y avait un prix de groupe. Ouais, c'est ça, on va dire. Une balle achetée, une balle offerte. Je peux pas gâcher. Et il avait des remords parce qu'on a fait croire que c'est sa mère, la jeune fille. Qui a pété les plombs, qui avait tué son mari et qui s'est suicidé après. Et ah donc, ouais. Pris de remords, il a dit non, on les a assassinés parce qu'ils gênaient Pierre, Paul, Jacques. C'est hein. Pas moi, c'est d'accord. Jason Bourne qui est mort là-bas, si tu veux. C'est ça. Et donc, la dernière scène qui se passe à New York, pas au siège de la CIA parce qu'il est une autre ville, mais dans les bureaux de la CIA. Et donc là, la responsable de l'enquête reçoit un coup de téléphone de Jason Bourne, un peu curieux, qui lui dit... Qui lui dit en gros Bah, racontez-moi pas de conneries. Je vois que vous êtes fatigué, allez vous reposer. Et là, elle comprend que finalement, il est pas au bout du monde, mais dans l'immeuble d'en face, en train de... En train de l'espionner. L'espionner, pardon. Ça y est, je l'ai dit. Alors, je précise quand même que pour tous ces films, Jason Bourne a quand même suivi des... quand même un entraînement physique très très intense. L'acteur, tu veux dire, Matt Damon. Matt Damon a quand même dû suivre pour être en forme, tout ça. Oui, parce qu'il était pas déjà en forme, Matt Damon. Non, mais pour pouvoir tout faire. Oui. Ouais, parce que normalement, c'est un acteur réputé. Fait Hawkeye notamment aussi. Ouais. Non, c'est pas lui, Hawkeye. C'est pas lui. C'est pas lui. En plus. Quelle connerie. De toute façon, toi, tu dis oui à tout. On écoute le troisième, La Vengeance dans la peau. Peut-être. Si j'ai envie. Ouais, maintenant. Qui j'étais ? Ils t'ont donné tellement d'identités. Cheever, Lee, Kane, Bourne. T'as été un des premiers à suivre ce programme. Quelqu'un a fait de moi ce que je suis. Et je le trouverai. Qui est Vozon ? Il vous a formé. Il vous suit depuis le début. Il sait qui vous êtes. Ils te laisseront pas en paix. Ils doivent te ramener les deux pieds devant. Ils m'arrêteront pas. Pamela Landy. Et bah, ils vont me chercher toujours. Jason Bourne est dans un rayon de 900 mètres. Je vais à sa rencontre. Il faut le trouver et l'éliminer. Équipe 1, Alpha Bravo. On est sur le coup. On pourrait peut-être se rencontrer. Vous êtes où, là ? Au bureau, dans mon fauteuil. J'en serais étonné. Si vous étiez dans votre bureau, on aurait pu avoir cette petite conversation face à face. Il a notre carnet noir entre les mains. Tous nos secrets les plus sordides. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Je me souviens. Ah, il a retrouvé la mémoire. Oui, ouais, il a retrouvé mémoire. Il retrouve petit à petit la mémoire, en effet, dans cet épisode. Parce que finalement, c'est une série de films, c'est un épisode. Alors, sur la première partie, il y a un journaliste du Guardian dénommé Simon Ross qui, lui, obtient des informations sur le programme Treadstone, un autre programme Black Briard. Et le pauvre Camille Dancetro, il se fait descendre à Londres, au milieu de la foule dans la gare de Waterloo Station. La base. Ah, d'accord. Voilà, tant qu'à faire, la base à New York. Oui, absolument. Donc, la dénommée Nikki Parson qu'il suivait en tant qu'agent. Parson. Ouais, Parson. Oui, Parson. Ouais. Lol. Parson, voilà. C'est une parodie de Nikki Larson. C'est vrai que oui. Quelque part, oui. Donc, elle vient de l'aider parce que elle trouve qu'il faut pas le descendre finalement. Faut. Et il sent pas ce type. Ouais, c'est ça. Nikki Larson. Non. Et donc après, donc ils passent à Madrid, ils étaient à Turin, ils vont, je crois, donc à Londres, peut-être à Berlin aussi dans cet épisode. En tout cas, ils y vont dans d'autres. Ils vont un peu partout, quoi. Ils vont un peu partout. Ils se retrouvent à Tanger où ils échappent à un tueur, encore parce que finalement il y a souvent des tueurs. Le but à chaque fois, c'est de se venger de ce que la CIA a fait, de lui avoir pour lui voler son identité. On apprendra aussi d'autres choses, d'autres raisons dans le cinquième. Donc ça c'est la première partie qui c'est est une escalade juste... de vengeance en fait. À chaque fois, plus il apprend, plus il a envie de se venger. Ouais. C'est ça. La deuxième partie du film, donc la dénommée Pamela Landy qu'on a entendue, donne rendez-vous de manière codée à Jason Bourne pour lui filer des documents qui va pas foirer justement. Elle va faire tomber des têtes avec ces documents là. Donc à la fin, je vais pas vous donner la fin Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Voilà. Alors, j'ai une petite anecdote quand même sur celui-là qui m'a amusé. Il y a des scènes de course-poursuite dans les rues de New York qui ont nécessité 6 semaines de tournage. Plutôt. Ouais. Un détail. Oula. Imaginez des scènes de poursuite. Donc, normalement, poursuite. Ça va vite, oui. Ouais. En fait, ils étaient limités. La mairie de New York a demandé que ça soit limité à 35 miles à heure, donc 57 km heure, pour éviter tout accident lors du tournage. Donc, ils ont tourné des scènes de poursuite à peine 60 km heure. Ils ont mis des effets pour que ça aille vite, ou alors ils ont joué sur les caméras, sur les effets de tournage. Et ça se voit du coup dans le film Non, ça se voit pas. Non. Ouais. Vraiment, t'as l'impression qu'ils sont à 100 à l'heure, voire plus. Si ça se trouve, on l'a déjà fait avec des escargots. Hein. ça va. Ça s'appelle la magie du cinéma. Ouais. Absolument. Mais j'avais lu comme ça une histoire similaire. Hein. Enfin, pas d'interdiction, c'est juste c'est à cause de l'engin. Dans la série, enfin dans la trilogie The Dark Knight, Batman, il a une moto avec des roues énormes. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Si. Cette roue-là, c'est un engin qui roulait hein, pour le coup. Alors pas homologué, évidemment, hein, vous l'aurez pas, mais ça roulait. Par contre, ça roulait peut-être à 20, quoi. C'était lent. Du coup, fallait donner une impression de vitesse à ça. Ils ont réussi dans le film, ça se voit pas des masses. Bon. Ouais, non, mais ça, oui, c'est extraordinaire. Après, donc, il y a le quatrième qui est lui un spin-off finalement, comme on dit, qui est, s'appelle Jason Bourne L'Héritage. C'est là où on a Jeremy Renner. C'est sa fille. Ah non. Hein? C'est sa fille. Non, il y a pas sa fille qui joue Hawk Eyes dans les Avengers. Ah bah c'est avec elle, d'accord. C'est pour ça. Qui joue par contre Aaron Cross, qui est un autre élément qui a suivi le projet, le programme Treadstone. Ils deviennent potes. Non, ils se rencontrent pas. Mais par contre, dans le film, on apprend des choses sur le programme. D'accord. D'ailleurs, on va écouter aussi un extrait de la bande-annonce. Jason Bourne était la partie visible de l'iceberg. C'est Aaron Cross. Personne n'avait encore obtenu de telles évaluations. C'est un Treadstone, l'instabilité en moins. J'ai jamais rencontré de membres du programme. On est combien au total? Tu poses un peu trop de questions. Jason Bourne est à Manhattan. Le FBI enquête sur d'éventuelles connexions entre Treadstone et cet homme, Jason Bourne. On vous a confié une Ferrari et vous l'avez conduite comme une tondeuse à gazon. Il faut être conscient de l'ampleur de ce qui nous tombera dessus en cas de retour de manivelle. Moyennant quoi, le programme doit être enterré. Vous croyez que ça se résumait à Jason Bourne? Ça va beaucoup plus loin que ça. Vous avez subi une altération de deux chromosomes distincts. C'est l'avancée scientifique la plus exaltante qu'on ait jamais réalisée. Je ne suis pas qu'un sujet d'expérience, docteur. Ouais, je confirme. Ah oui, on confie une Ferrari aux gens qui savent pas les conduire. C'est, quand même... c'est ça que je retiens, moi, de là. Ah, ça, si vous voulez, parler bagnole, il y a Starter le lundi, hein, 21h, 22h. Pas de problème, on est preneur. Mais j'ai trouvé la blague tellement énorme, je me suis dit, il faut qu'on la mette. C'était c'est obligé de la laisser. C'était pour faire un petit clin d'œil, en effet, à Starter. On n'avait pas la rate. Donc, celui-là est important parce qu'il donne des informations sur ce fameux programme Treadstone. Ouais. Et là, donc, on va passer tout de suite au cinquième, le dernier qui est. Ah, direct, t'es comme ça. Oui. Oui, parce que l'autre, il n'y a pas Jason Bourne dedans, il n'y a pas la vengeance. Ouais. Il explique certaines choses sur le programme. Ça donne des éléments. Il permet de comprendre des éléments qui étaient quand même un peu flous dans tous les précédents. Et peut-être de conclure. Et de conclure, c'est ça. Quand vous sortirez de chez nous, vous ne serez plus vous-même. Je me souviens de tout. Te souvenir de tout ne veut pas dire que tu sais tout. Bon sang, c'est Jason Bourne. Pourquoi revenir maintenant? Ils t'ont repéré. Il faut qu'on bouge. Il a vu des choses. Il sait des choses. Je me suis engagé sur un mensonge. C'est Jason Bourne. Il faut qu'on parle. Les gens sont plus en sécurité grâce à vos actes. Vous ne trouverez jamais la paix tant que vous n'accepterez pas qui vous êtes réellement. Bon sang, c'est Jason Bourne. Pourquoi reviendrait-il maintenant? Je sais qui je suis. Je me souviens de tout. Te souvenir de tout ne veut pas dire que tu sais tout. Le monde est en guerre. Oh mon dieu, c'est Jason Bourne. Oh mon dieu. J'avais l'impression que ça... Tout le temps. Ouais, ça donnait ça. Oui, non, mais c'était ça. C'est... vraiment, ça appuie sur le fait qu'il a retrouvé la mémoire. Pourquoi? Parce que maintenant, il sait que finalement, son père a été assassiné par la CIA. D'accord. Donc c'est aussi une raison de vengeance. Oui, encore donc, plus. Alors il se venge par rapport à Marie qui a été assassinée. Par rapport à lui, par rapport à Marie, par rapport à son père, par rapport au chien, par rapport à... programme qu'on lui a fait faire parce qu'il s'est engagé sur un mensonge. Mmh. On lui a fait assassiner des gens que finalement il ne voulait pas assassiner. Et donc il se venge de tout ça. Mais c'est diffusé tout au long de la série Queen. D'accord. Et ça du coup ça clôture la saga. Pour l'instant, oui, alors il y a peut-être, je dis bien peut-être. Ainsi, ce qui serait. Peut-être. Ils sont capables de refaire un truc. Voilà. C'est dans le quatrième, son pote, enfin pas son pote, mais celui qui a participé au programme, du coup il va retourner sa veste alors, et ils vont s'affronter dans le sixième, tu vois. Par contre, je sais pas si ça serait le sixième un spin-off ou une suite, par contre. Je sais pas, mais c'était une hypothèse que j'avais ou en tête. Un rehab ou un Les Origines. Ou... Oui, ça peut être ça aussi. Les Origines 2, j'avoue, quoi, ça peut. Ouais. Alors, je vais juste vous en parler assez rapidement de celui-ci. Alors, désormais, pour vivre Jason Bourne... Pardon, ça y est, Yes. Je me suis dit, je vais faire attention toute la soirée. T'es dit, t'as réussi. J'ai réussi. c'est devenu un tel spécialiste du close combat, donc pour survivre même, il fait des combats illégaux. Vraiment, faut pas se trouver en face, parce que dès qu'il t'en colle une ou deux, t'es par terre. Hein. C'est... Voilà. Donc, Nicky Parson... il est explosé. Pas Nicky Larson, t'es dit toujours pas. C'était peut-être une copine à Nicky Larson, mais ça, l'histoire ne le dit pas. Hein. Nicky ne le dit pas non plus. Je laisse ton imagination faire le... Le boulot. Le boulot, voilà. Donc, elle trouve des infos qu'elle va arriver à faire transmettre à Jason Bourne, parce qu'elle, malheureusement aussi, elle est assassinée. Donc encore c'est pas de une balle. Raison supplémentaire de se venger parce qu'on assassine les gens qui l'aident. Parce qu'il aimait bien, ouais. Voilà. Donc ils sont tués en Grèce. Elle est tuée en Grèce, pardon, par un tueur qui s'appelle. Alors je vais en parler un petit peu. Qui s'appelle Latou et qui est joué par un Français, Vincent Cassel. Ah oui. Voilà. Je vois qui c'est. Qui a joué quand même un certain nombre. Dans beaucoup de choses. Ouais. Ouais, le méchant, par exemple, dans. Enfin pas le méchant, mais le rival dans Ocean 12 ou. Ouais, c'est ça. Oui, par exemple. Avec il est très. Ouais, il est bon. Oui, oui, il est bon. Donc il est dedans. Donc il apprend en effet que par contre Jason Bourne, que c'est son père, donc Jason, son vrai nom c'est David Webb. Hein, David Webb, ouais. Son père Richard Webb est finalement à l'origine du programme Prestzone. Donc finalement, pas de bol. C'est son père qui est à l'origine de ce qu'il est devenu. Et ben il va se venger contre son père. Alors ça, l'histoire ne le dit pas. Cracher sur sa tombe. Donc alors il va aussi à, il repasse aussi à Londres. Ils vont souvent à Londres d'ailleurs. Londres et Berlin, c'est deux villes apparemment qu'ils aiment beaucoup. C'est bien pour la vengeance. Et à Las Vegas, alors là quand même la majeure partie se déroule à Las Vegas, ouais. des faits intéressants, il se passe beaucoup de choses. Tout est possible à Las Vegas. Notamment l'atout Vincent Cassel qui meurt, je vais juste vous le dire. Hein, voilà, c'est fait. Mais moi ce que j'aime bien c'est dans les scènes finales, donc alors tout le temps de ce film. Après Pamela Landy, c'est une autre femme du nom de Heather Lee qui prend la suite de l'enquête. Mmh. Qui dit toujours « Je peux le ramener, je le connais, je vais essayer de le ramener. » Et à la suite à tous les scandales que ça a fait, la place de chef de la CIA est libre. Donc elle se propose de... Elle se positionne, oui, pour devenir chef de la CIA. Mmh. Et puis là, celui qui doit décider ou transmettre la demande, il dit « Mais si vous ne le ramenez pas, qu'est-ce que vous allez faire ?» Ah, on va l'éliminer. Donc après, elle rencontre Jason Bourne, qui lui dit, elle lui propose de revenir sur le programme Treadstone, vous pouvez me faire confiance, etc. Bon, il dit, je vais réfléchir. Et finalement, quand elle remonte dans sa voiture, elle trouve un enregistrement avec la conversation qu'elle a eue avec le responsable pour se positionner en tant que responsable de la CIA. Donc, elle comprend qu'elle s'est fait avoir, ouais. Et qu'il n'a pas du tout confiance et que... Bah, là, il n'avait pas eu tort, là, pour le coup. Voilà. Et là, c'est vrai que ça laisse la porte ouverte quand même à une suite. D'accord. Ah, d'accord, je vois. Voilà. Ok. Toi, ton avis sur cette série de films, Daniel? T'as l'air fan. Ouais, c'est. Ah, moi, complètement, parce que ça. Bah, je caserai ça. Je vous avais parlé donc au début du mois de janvier avec la magie du film Insaisissable. Oui. Avec action, suspense, des choses de magie, des choses qui s'entremêlent. Et petit à petit, tu découvres des choses. Ouais. Là, on trouve la même chose, mais sur 5 films. D'accord. Donc, c'est le genre de choses de films duquel je suis complètement. Donc, on va dire presque à la fin du premier, par exemple, je vais prendre le premier en exemple, tu peux être frustré de pas tout savoir, limite. Non ? Tu veux en savoir plus, oui. D'accord. Ah oui, complètement, parce que. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas juste créé le premier film, ils ont peut-être créé déjà tout ils avaient base, tout déjà. Et après, ils ont séparé ça en film, effectivement, pour pouvoir créer une histoire cohérente et que ça te donne envie, effectivement, de regarder la suite. Parce que souvent, il y a. Enfin, dans le cinéma, il y a souvent ce problème-là. Ils créent un ou deux films, c'était prévu qu'il y avait une suite, et voilà. Et après, c'est tout. Sauf que comme ça a bien marché, ils disent allez, vas-y, on va faire un troisième. Sauf que souvent, c'est pondu à la baïte et ouais, souvent c'est. Non, mais là en plus, ils sont faits de façon à laisser des questions à la fin. Mmh. D'accord. Voilà, quand ils rencontrent Marie, retrouvent Marie, pardon, en Grèce avec son magasin de scooter. Scooter, voilà. Hein, il y a quand même plein de questions auxquelles tu n'as pas les réponses. Et d'ailleurs, le film... Est-ce qu'elle est volée? Voilà. Est-ce que c'est rentable? Par exemple. C'était peut-être des scooters volés d'Athènes, hein, ça, qui le sait. Et tu... Bah, ça y est, je suis parti sur autre chose, j'ai oublié. Ah, ça y est. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce premier film pose les bases des suivants. D'accord. C'est vraiment ce que tu as expliqué, donc... c'est bien pensé, c'est complètement beaucoup plus détaillé que ce que j'ai dit, mais vraiment c'est pensé pour qu'il y ait des suites. Et chaque suite, à la fin, il y a des questions qui peuvent aussi amener des suites, mais les suites peuvent se référer à l'ensemble de la série, pas que au précédent. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Et bah c'est cool. Du coup, allez voir Jason Bourne. Voilà. Voilà. Donc allez voir. T'es dit essayer à voir Daniel, il est tout content. Si quelqu'un veut ici, j'ai les 4 premiers en DVD. Carrément. J'ai pas le cinquième. Et il vous fera le cinquième en direct. Alors attention, là, oui. J'essaierai de mettre la musique. Ouais, mais plutôt que de proposer que tu fasses le cinquième, on peut y avoir de la musique. Avec Hogarth Industry Baby qui est de Lil Nas. Thierry, le plus grand fan d'histoire des animateurs de Peck Avenger jusqu'à 23h sur Indestar. C'est vrai que t'es dit en histoire, moins. Alors, ouais, ça, je crois que c'était une vengeance du boss. Hein, je m'y connais en histoire. Hein, j'ai oui, il nous raconte des histoires. Oui. Ouais, il nous raconte des salades. Pas toujours drôle en plus. Mais... Non. Bah, si, mais tout à l'heure, je vais raconter des histoires de vengeance, mais. Drôle. Salé. D'accord. Bah, en attendant, on va peut-être parler de liaison aussi, non? Ah, liaison vachement dangereuse. Bon. C'est quoi ce film? Pauvre vache. Alors. En fait, les liaisons vachement dangereuses, ça va venir un petit peu plus tard. Bon, d'accord. Les liaisons dangereuses de la base, c'est un roman. Pourquoi j'ai pris ce roman-là? C'est parce qu'il est assez original, parce qu'en fait, il n'est composé que de lettres, des lettres qu'on écrit. Vous voyez? Ah ouais? C'est ce qu'on appelle un roman épistolaire. 160... Ah oui, des lettres. Ah oui, 175 lettres. D'accord. D'accord. Donc il est présenté comme ça, les lettres s'enchaînent les unes aux autres et on doit comprendre ce qui se passe derrière cette histoire. Donc ça a été écrit par Coderlo de Laclos en 1782. Il a mis 3 ans à écrire ce roman épistolaire. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une série de vengeances qui s'enchaînent les unes les autres là-dedans, dans un esprit libertin. Ah, ça couche. Ah. Ça couche tout le monde. Enfin, on en vient. Non, en fait, vous avez une marquise de Merteuil qui est libertine, mais en fait par intérêt. Elle fait tout par intérêt. Ah d'accord. Pourquoi pas? Et en c'est fait, pas libertine ça. C'est pas par vengeance. Et en fait, elle est un peu prise à son propre jeu, c'est-à-dire que c'est une marquise qui a tendance à avoir des prétendants et puis elle est larguée quand elle a envie d'être larguée jusqu'au jour où ça lui arrive. Hein, ça va y revenir dans la... Et là, elle n'est pas contente quand son amant la quitte pour aller épouser une jeune jumelle qui sort du couvent. Et alors, elle se dit, là, tu vas me le payer. Ouais. Tu m'étonnes. Salaud. Et alors là, elle appelle son ancien amant ami, le vicomte de Valmont, et elle va le manipuler pour qu'il fasse en fait tout le boulot à sa place, hein, ouais. pour qu'elle soit vengée. Alors ça va être un petit peu complexe, il y a plein de personnages qui vont être mis à contribution dans tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que en fait la petite promise qui va sortir du couvent, bah il faut absolument qu'elle se retrouve dans les bras d'un autre. Si en plus elle peut être enceinte, ça sera encore mieux. Bon, voyez des trucs comme ça pour que le futur mari soit ridiculisé quoi sur la place publique. Ouais. Donc il y a plein de choses qui se passent comme ça. Et en fait, le vicomte de Valmont, eh ben, lui aussi, il est libertin. Je te couche par-ci, je te couche par-là. Et en fait, il a un défi à relever qui s'est mis lui-même. En fait, il y a une femme très, très pieuse qui attend le retour de son mari. C'est quoi, pieuse ? Alors, pieuse, bah, qui est si vous voulez, religieuse et puis qui ne trompera pas pour un oui, pour oui. Un ah, nom, qui ne regardera même pas un autre homme, etc. Bon. Et elle attend le retour de son mari. Ouais, et il va y aller, il va faire du harcèlement jusqu'à ce qu'elle cède, et après il la larguera, ce qui va la tuer quoi. Excellent. Ouais. Enfin, moins excellent. Oh, le timing du excellent. Il n'y avait pas de harcèlement à l'époque. Hein. Non. Choper une religieuse, c'est fort quand même. Ouais. Alors ce qui est intéressant par rapport au roman, c'est que vous comprenez à force de lire les lettres. Que en fait, quand vous écrivez une lettre, vous avez un destinataire. Vous voulez destiner une lettre à quelqu'un. Mais en fait, les lettres, avant d'arriver au destinataire, passent par des mains différentes. Ouais. Et donc, bah, la marquise de Merteuil reçoit les lettres genre de la petite pieuse, qui est de la petite fille qui sort du couvent, qui écrit machin. Donc elle sait ses intentions, elle sait comment elle va la manipuler et plein de choses comme ça. Les lettres passent dans les mauvaises mains avant d'arriver. C'est le début de l'espionnage. Et on manipule tout le monde, on manipule les gens qui font entièrement confiance, la vieille tante, etc. Et on la manipule et on lui révèle le truc devant les yeux. Enfin bon, oui, c'est tout explose dans tous les sens. Mais ce qui est quand même, qu'est-ce qu'on va dire, moral, c'est que cette marquise de Merteuil, donc qui dès le début montre qu'elle est vraiment mauvaise, quoi. Hein, elle va le payer très cher à la fin quand tout va être révélé, qu'elle a manipulé tout le monde. Elle va même le payer très cher parce qu'elle va perdre le vicomte de Valmont qui va se faire tuer en duel. Et on peut se demander s'il ne se laisse pas tuer quelque part. C'est très complexe. Je peux pas résumer comme ça, mais je trouve déjà très intéressant la forme des lettres. C'est pas forcément facile pour tout le monde de lire comme ça, mais ouais, il faut accepter de rentrer dedans. Et au moment où tu commences à comprendre que la lettre est passée dans la mauvaise main, machin. Tout s'emboîte. Ouais, tout s'emboîte, c'est le monde. C'est mieux. Et alors, il y a des versions plus accessibles, c'est-à-dire version cinéma. Hein, alors, version cinéma, évidemment, vous n'avez pas votre imagination. Vous avez des interprétations, mais vous voyez aussi genre la petite fille qui sort du couvent et en fait que Valmont a séduite, et alors elle écrit, elle demande à Valmont de l'aider à écrire une lettre, et en fait on voit Valmont elle est nue sur le lit et on le voit, il est appuyé sur son dos et il écrit la lettre, où il lui dicte la lettre, je sais plus comment, mais enfin ils sont à poil et ils rigolent comme des fous, et lui la manipule comme pas possible. Si elle est nue, oui, il la manipule, voilà. Merci Daniel. Et donc il y a le film Les Liaisons Dangereuses, et puis il y a un film qui s'appelle aussi Valmont, qui met vraiment en valeur, en exergue, si vous voulez, ce personnage de Valmont. Enfin, ça vaut le coup d'œil. Et alors moi, ce que j'ai mis le titre Les Liaisons Vachement Dangereuses, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut découvrir Les Liaisons Dangereuses à travers deux grands groupes de comiques, Les Nuls et Les Inconnus, parce que les deux bandes ont fait des sketchs en fait par rapport à ces liaisons dangereuses. D'accord. Alors moi, je connaissais pas les sketchs des Nuls, figurez-vous que je connaissais très très très bien Les Inconnus. Je me suis dit, oh oui, je vais faire un truc un peu drôle là-dessus, et en cherchant le sketch des Inconnus, je me suis dit, ah bah tiens, il y a Les Nuls qu'on fait aussi. Et alors Les Nuls, en fait, ils ont travaillé sur les liaisons qu'on fait dans le langage, en fait, quand vous en français, ils sont allés, vous voyez. Mais on avait un président en France, Jacques Chirac, qui faisait beaucoup de liaisons comme ça, ce son, enfin n'importe quoi, même si c'était un T, il faisait un S, enfin il qui avait tendance à exagérer quand il parlait. Aussi bon que moi. Mais alors là, il, en fait, leur sketch est assez court, mais ils font toutes les liaisons qu'ils peuvent quand ils parlent. Et c'est ça, les liaisons dangereuses. Ils en ont fait quelque chose par rapport au langage. Et alors les Inconnus, eux, ils ont joué sur la cruauté des personnages, et ils ont transformé ce qui était verbal à la base dans le roman en physique, c'est-à-dire on les voit se cogner sur la gueule, quoi. Vous avez Valmont qui débarque chez la marquise de Merteuil, donc vous imaginez les Inconnus bien déguisés, enfin c'est bien grossier, le maquillage raté, etc., machin, quoi. Et la marquise de Merteuil qui a beaucoup d'orgueil et qui accueille Valmont en le repoussant, le traitant de pédé, en formant machin, et il lui attrape la gueule, il lui cogne contre la table, il la fait glisser sur une table bien cirée, elle a tiré au bout, etc. Enfin bon, bah, c'est grosse brute comme ça, mais je me dis, bah ouais, c'est vrai qu'on peut, on peut découvrir ça par rapport, soit par la dérision, soit par le roman, soit par les films aussi. Enfin, il y a plein de façons de découvrir ce monde des liaisons et vachement dangereuses. Bon appétit. Ah, le bon appétit, tombé à pic. J'aurais même rajouté, on peut même la vivre, là, dans l'envoi, si on est... Off. Ouais, ça peut arriver, hein, malheureusement. Ça peut, ouais. On dirait que ça sent le vécu. Non. Pas de sang. Le cul, surtout. Ouais. Ça, c'est pas faux. En tout cas, non, ça sent ce qui sent, c'est la musique, là. Mais non, j'allais le faire. Ah ouais, bah, ok, je te laisse le faire, vas-y. Bon, allez, vas-y. Bon, ça sent la musique avec grammatique, indie... Attends, comment on dit ça, Thierry? Invis Wall. Wall World, c'est ça, Thierry? Wall World. C'est pas grave. D'accord. C'est pas grave, et c'est sur Indestar. C'est ça. PK Avenger sur Indestar. Ah, mais en fait, je suis pas un robot. Les super-héros d'Indestar, c'est les PK Avenger. Jusqu'à très tard ce soir. Alors, il est un peu plus vrai, celui-là, ce jingle-là. Jusqu'à très tard ce soir, quand même. Ah oui, et on n'est pas des robots aussi, hein. Non, aussi. Ça marche aussi, hein. Ou je suis pas au courant si j'en suis un, moi, perso. Pourquoi on n'est pas des robots? Parce qu'on est... Parce qu'on est des moutons. Ça peut aussi. Certes. Après, en vengeance, dans les mangas, il y a beaucoup d'histoires de vengeance, et j'en ai choisi une en particulier, c'est dans Naruto. Il y a le clan Uchiha. Uchiha ? Oui, parce qu'en japonais, la vraie prononciation, c'est pas Uchiwa. On l'a simplifié vu qu'on est trop bête, on peut dire. Trop bête ? Ouais, ça fait quand même plus sympa Uchiwa. Alors, que Uchiha. Moi qui ai jamais regardé en français Naruto, je peux pas te dire. Chez, t'es mauvais. Non, bah non, les mangas, moi, c'est toujours en original. Soutiens ta langue un petit peu. Soutiens la doublure française. Les doublures françaises, ils font un travail formidable. Ah, pas si, toujours, mais... Il n'y a qu'un seul manga que j'ai souvent regardé en français, c'est Dragon Ball, mais bon. Donc, le clan Uchiwa... C'est pas le meilleur en français. Alors, c'est juste pour la doublure de Vegeta, c'est tout. Ouais. Je trouve bien. Ouais, alors si on veut... Mais... Tout ce qui est du club d'eau, alors tu vois, ouais, autant je les respecte parce qu'ils ont amené les mangas en France, autant ils ont fait des trucs... Oui, c'est pas fou. Des génériques et tout ça, emblématiques, hein. Mais putain, ça, le clan ça Uchiwa, qui est le clan le plus fort de Naruto et le plus puissant, en... C'est pas le Senju? Justement, j'allais y revenir, qui est en concurrence avec le clan Senju de la forêt. Qui est le plus fort? Alors, parce qu'il gagne tout le temps. Ça dépend. Il ce que brave. Alors, souvent, ce qu'on voit, Hashirama, qui est le rival de Madara, justement, qui est, je vais en revenir plus tard, bat Madara, mais souvent, après le reste, c'est les Uchiwa qui ont le dessus. C'est surtout grâce à la force de leur chef qui mettent en déroute l'autre chef. C'est pas faux. Après, il y a le second du clan Senju aussi, oui, qui le va... deuxième Hokage. Il est quand même plutôt sympa. Et... Donc, ils sont en rivalité assez violente avec le clan Senju, et c'est dans ce décor que va naître un Uchiwa qui va essayer de changer la face du monde. Donc Madara Uchiwa, justement. Et donc j'ai mis deux phrases de Madara, qu'il aime bien et que je trouve qui lui vont plutôt pas mal. Tant qu'il existera des vainqueurs, il y aura des vaincus. Ce qui est logique. Ouais, mais ouais. Pour en revenir à tout à l'heure, on parlait de vengeance qui pouvait ramener à quelque chose. Oui, parce qu'il a quand même un but derrière tout ça. Il cherche pas uniquement à se venger, Madara. Non. Il cherche plutôt à créer un monde idéal où personne... Monde, on peut dire même. Alors oui, parce que c'est lui qui le contrôle, évidemment. Ouais, Mégalomane jusqu'au bout. Mais c'est quand même un méchant. Personne doit souffrir, personne doit gagner ou perdre, voilà. À part lui. C'est ça. C'est simple que ça. Et il y a une autre phrase qu'il dit assez régulièrement dans le manga. C'est au nom de la paix que l'homme va faire la guerre. Et ça, c'est vrai. C'est souvent, malheureusement. Ouais. Je trouve que les deux phrases résument parfaitement le personnage, mine de rien. Vu que... Donc c'est Madara, vrai. C'est la base de la haine des Uchiwa, de la haine de la vengeance. Même si c'est vrai qu'il faut mettre un mot sur leur ancêtre, Indra Utsusuki, qui est vraiment à la base de cette haine. Justement, vu que son frère, donc Ashura Utsusuki, c'est l'ancêtre des Senju. Oui. Donc forcément Indra qui est l'ancêtre des Uchiwa. Ça a commencé avec deux frères, c'est ça. Voilà, que ça a commencé avec deux frères qui ont ensuite fait des familles. Et puis ça a amené les Uchiwa, donc descendants d'Indra, qui arrêtent pas de se battre avec les descendants d'Asura. Les deux frères s'aimaient pas trop. Non. Et leur famille, bah bizarrement, on va bah s'aimaient pas trop non les plus. Les deux frères au début s'aimaient bien, ouais. Mais jusqu'à ce que leur père choisisse le cadet comme préférence, voilà. Ne jamais faire de préférence entre ses gosses. Donc Madara va continuer cette haine. Donc après, plus tard, il va fonder Konoha avec Hashirama, mais il sent que le vent va tourner. Konoha, c'est le village, c'est ça? C'est le village principal de Naruto. Je passe pour un inculte. Non, mais t'as raison. Non, mais t'as raison, oui, parce que Konoha, on aurait pu croire que c'était voilà. Un personnage. Qu'est-ce qu'a Konoha? Qu'il connaît pas, oui. Justement, j'ai expliqué non, que c'était le village principal où Naruto, tout le monde va vivre. Certes. Et donc, vu qu'il sent que tout va se retourner contre son clan au final, donc il décide de mettre en alerte tout le monde. Attention, les gars, ça va être mauvais, mais personne va l'écouter. Mais qui sont en temps de paix, donc ils se disent on va devoir repartir à la guerre. Ils voient pas le loup dans la bergerie. Voilà. Donc ils ne voient pas Poutine aux frontières de l'Ukraine. C'est vrai. Donc il reviendra plus tard pour se venger du village et de Hashirama. C'est dedans. Mais il perdra et se fera passer pour mort contre son rival. Ouais. Il ira, on va dire, dans son plan, il ira même jusqu'à prévoir sa réincarnation grâce à Obito. Jason Bourne. Alors non, il se réincarne pas. Dit, il a mis le O entre le B et le U, hein. Oui. Donc Obito, qui est un peu la suite de la haine. Oui, va bah, parce qu'il va transmettre voilà, en fait un final, peu sa haine à son clan, au final, aux survivants de son clan. Toute la haine de Madara va être transmise à Obito. Donc il y a ainsi de suite. Donc Obito, de base comme Madara, était un enfant plutôt gentil. Donc Madara, c'est l'époque qui lui a fait devenir un monstre. Moralité, si vos enfants sont gentils, ils deviendront... Alors non, j'ai pas dit ça. Ah non, je croyais, j'étais trop... J'ai dit c'est l'époque. Ah. Et Obito, pareil, De base, c'est un enfant modèle qui aidait toujours les personnes âgées. Gentil, sympa. Voilà. Résultat, il arrivait toujours en retard aux missions et savait le don d'énerver Kakashi, qui était son meilleur ami. À la fin. Ah. Son maître aussi. Ah non, non, non, merde, Obito, ça va, non. Oh, pardon, c'est autant pour moi. Autant pour moi, j'avais rien dit. Donc, au cours d'une mission, il va se sacrifier pour aider Kakashi, donc son meilleur ami, et Lin, la personne dont il est amoureux. Donc, ça part mal. Et... Beau sacrifice. Ah. Ouais. Encore et... une histoire d'amour à l'origine de la vengeance. Voilà. Ouais. Une sorte de sacrifice, là. Il s'est sacrifié, il est mort. Alors, non, il et est non, pas mort. Il n'est pas mort, parce il que. Il a perdu toute la moitié droite de son corps. Ouais, c'est qui pas se cool. fait écraser sous une pierre. Une burne. Oui, par exemple, on peut en revenir. Ouais, la burne, alors. Il sera sauvé miraculeusement par Madara Uchiwa qui avait feinté sa mort. Oui. C'est plus que l'ombre de lui-même. Hein, il était censé être mort. Il n'est pas vraiment mort, mais il ressemble à pas grand-chose. Hein, il ressemble à un vieux. Bah, s'il si y en a plus que la moitié, forcément, il ressemble pas à grand-chose. Non, pas lui, pas lui. Non, pas lui. Il va sauver le petit jeune, justement, qui s'est fait écraser et qui reste la moitié. Il trouvera Obito à moitié écrasé. Il va le sauver, il va le soigner, même. Et... Coïncidence, ils sont du clan Uchiwa. Voilà. Bah, ah, c'est beau. Qu'on parle du clan Uchiwa, c'est mieux, quand même. Oui. Et donc, pour essayer de faire bouger Obito et le ramener à sa cause, vu qu'au début, il disait, bah non, je vais retourner à Konoha, aider mes potes et gagner la guerre. Mais qu'ils étaient en temps de guerre. Il va lui dire une phrase qui devrait voir la réalité en face, les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Donc justement, pour essayer de faire... Il va corrompre son petit esprit jeune. Il va corrompre son cœur, comme dirait Anakin et Obi-Wan dans Star Wars. C'est vrai. Donc, au début, il voulait vraiment revenir, mais il y a une mission qui va tout changer, c'est quand ils vont être mis au courant que Kakashi et Lin, donc justement ses amis, bah, il y a un des problèmes avec. Donc Obito va s'échapper du lieu où ils étaient enfermés. Il ira, sauf que quand il va arriver, il va croiser Kakashi qui tue Rin. Donc en gros, son meilleur pote a tué son crush. Voilà. Donc son quoi ? Son crush. Ah, c'est langage de jeune. Autant pour moi. Son amour. Ils sont... si tu préfères. Bah même si j'en connais pas mal, il y en a que je connais pas quand même. Ouais. Hein. Celle pour qui il craque. On dit que c'est son crush. Tu vois, genre. Ça dépend sur quel réseau. C'est ça. En plus. Mais oui. Donc forcément, quand il va voir ça, il a juste vu ça. Il a rien vu. Il a pas vu le contexte. Il a pas vu le reste ni rien. Et bon. Ouais, parce qu'il aurait vu le reste, il aurait pas sauvé, c'est ça. Non, mais il aurait compris. Parce que Kakashi, il l'a fait. C'est pourquoi. C'est qui était possédé des deux. Je dirais pas pour éviter, mais bon. C'est pas un spoil. Si, vu qu'au final tu. Ok, j'ai spoilé. Il y a un des deux qui est contrôlé. Voilà. Et l'autre va te libérer. Il mais a après... moitié spoilé. Ouais. Bah après. Bah oui. On sait pas lequel. Bah oui. Enfin, avec Kakashi tue Rin, c'est facile de savoir quand même. Bah, soit tu possèdes Kakashi et tu tues Rin, soit tu possèdes Rin pour attaquer les autres. Ouais, et du coup, Kakashi fois, a pas le choix de le tuer. Comme des fois, je sais que dans Naruto, t'es mort sans être mort parce que tu reviens. Ouais. Comme Madara, par exemple. Voilà, peut-être que Rin est revenu. Et. Bah non. Donc, à savoir, il vira fou car, avec l'amour, quand tu perds cet amour, il y a un sentiment qui va avec assez souvent. C'est la haine. Haine engendre la haine. La haine file de Matthew Kasovic. D'ailleurs, vu que tout à l'heure tu parlais de Tobirama, je vais reprendre une de ses phrases dans le manga. Aucun clan n'a plus d'amour que le clan Uchiwa. Même le clan Senju, il le met en dessous. Mais le problème. C'est discutable. Mais le problème, c'est que quand le clan Uchiwa vient à perdre cet amour, bah il a la haine. Et c'est comme ça que leur pupille spéciale, le Sharingan, s'éveille. Ça, ils ont des yeux spéciaux dans le clan. Je connais. Oui, ouais. C'est bien, Daniel. Ouais. Et pour ceux qui connaissent ça, en fait, ils ont les yeux rouges avec des symboles dedans. Et ils peuvent faire beaucoup de choses d'illusions, en fait. Moi avec. Aussi, des fois, j'ai les yeux rouges. Ouais. Et... les lendemains des émissions d'Indestar. Et donc, pour Obito, il veut continuer le plan de Madara, donc faire une illusion pour tout le monde. Bon, évidemment, il va vouloir essayer de faire comme Madara et être le chef, sauf que, bon, il se fera doubler. Et... lui, son objectif, c'était c'est juste beau. Créer ce monde où Lin pourra être en vie. C'est tout. Et en troisième personnage, et pour moi presque le plus important, c'est Sasuke Uchiwa. Mine de rien, c'est lui qui va tout avoir. Vu qu'il a eu une enfance normale jusqu'à ses 7 ans, donc pareil. Comme Madara et Obito, bon, en dehors de Madara qui avait eu la guerre, mais bon, voilà. Mais il a un frère aîné également, donc Itachi Uchiwa. Mais tout va changer lorsqu'un soir, il va rentrer chez lui et il va trouver son frère en train d'assassiner tout son clan. Itachi. Il a tué tout son clan, tout le clan Uchiwa. Tout. Pourquoi ouais, on ne sait pas. On voilà. Sait au début, je, on ne sait pas. Je précise quand même pour Teddy, je connais les épisodes de Naruto et une partie de Shippuden parce que. Tu n'es pas obligé de me le dire, moi je précise pour tout le monde entier. À chaque fois qu'il fait une précision, il me regarde. Il me dit, ah, c'est que t'es en face. Ah, c'est que je suis en face, d'accord. Sinon, je peux regarder Océane. Mais ça fait des reflets avec au final, on peut regarder le cochon. Oui, vu qu'on. Pour, on a Bébert avec pour expliquer, on a une mascotte, on a même une peluche Bébert maintenant qui est dans le studio avec nous. Qui ouais. est arrivé lors de l'émission de. Avec de Wood Mike avec Wood Mike, Wood ouais. Mike, il y a eu un délire et on a décidé d'adopter Bébert en mascotte. D'ailleurs, Wood c'est Mike, ça. Si tu nous écoutes, bisous ouais. à toi. Bisous à toi, ouais. Donc, Itachi va massacrer tout son clan, y compris la personne qu'on pouvait considérer comme bon, son amour aussi, mais qui avait une personne avec qui il était extrêmement proche. Et justement, ça, c'est pas dans l'animé, ça que tu le vois. C'est Izumi Uchiwa. La fille avec qui il était toujours dans l'animé, où tu le vois. Que dans le manga. Jamais vu. Alors, dans le manga, c'est plus poussé, vu que. Dans l'animé, c'est Obito qui va la tuer. D'accord. Oui, vu que l'animé et le manga, il y a beaucoup de différences. Sauf que dans le manga, ça va être Itachi qui va la tuer, en lui montrant un avenir où ils étaient heureux et avaient beaucoup d'enfants. Alors, non, c'est pas la bonne formule. Il l'a tué ouais, c'est bizarre. Itachi la tuera, oui. Ouais. En la plongeant dans une illusion. En la plongeant dans une illusion, et l'illusion était tellement puissante que ça finira ouais. par la tuer. Ça s'appelle du genjutsu, les ça illusions. Ça s'appelle une overdose. Ouais. C'est ça. Une overdose aussi, ouais. Et donc, Itachi a pas hésité à tuer sa chérie, mais c'est pas la seule. Il tuera ses parents, son oncle, sa tante, il tuera absolument tout le monde. Sauf son pas petit frère. Il a pas lu les PG Gabito, celui-là. Hein. Non. Oh, oh lui, oh. Bon. Bah les couilles, mais, ouais, il y a qu'une seule personne qui n'a pas pu se résoudre à tuer, c'est son petit frère. Ouais. Justement, il préfère Sasuke, son petit frère, sa petite amie. Ouais, vu que alors là c'est Obito qui le dira à Sasuke. Pour lui, la vie de son petit frère était plus importante que le village tout entier. C'est-à-dire, c'était un agent double qui devait tuer tout son clan, mais il pourra pas se résoudre à tuer son frère. Et forcément, l'ironie du sort, qui tuera Itachi, c'est son petit frère. Sasuke vengera son clan. Sauf qu'après, bon, il apprendra la vérité, il voudra se venger de Konoha. Après, il apprendra autre chose, il ouais, voudra ça faire s'enchaîne. Ouais, il voudra faire une autre vengeance. Tu sais plus après qui il veut se venger. Ouais, il veut se venger de tout le monde on parce que dire... bah, tout le monde a tort. Quand tu le connais dans Naruto, donc le petit, il veut se venger de son frère. Dans Shippuden, il continue à se venger jusqu'à apprendre que bon, son frère était au final quelqu'un de bien. Il voudra se venger puis. Quelqu'un de bien, j'aurais pas dit jusque là, mais. Alors. C'est discutable quand tu tues des gens juste pour voilà pour quand la même. Paix. C'est pour la paix au final qu'il le fait vu que Uchiwa ouais. voulait faire un coup d'état et prendre c'est par la c'est pas l'une force. Des premières phrases par lesquelles t'as commencé. Si. Ouais. Vouloir la guerre pour prétendre la paix ou un truc du genre. Juste... Alors c'est au nom de la paix que l'homme va faire la guerre. Ouais, justement tu vois à partir de là on peut considérer qu'il avait déjà tort. T'es pas obligé alors, de tuer tout le monde pour avoir la paix quand même. Tu peux oui mais disons que le problème à l'époque c'est que le climat était beaucoup trop électrique. Et c'est vrai vraiment que rien y faire. Oui, à cette époque-là, ils avaient beaucoup. Enfin, ouais. Attends, tu vois, c'était la base. On va dire qu'à l'époque, le c'est Hokage, le fond de commerce, quoi. Donc le Hokage, qui est le chef du village, essayait de discuter, mais ça valait rien. C'était en gros, ça rentrait par une oreille et ça rentrait. Calmez-vous. Voilà, c'était ça. Voilà. En gros, on servira à rien. Bon, il y avait un autre Uchiwa qui a essayé de changer les choses, Shisui, mais il s'est fait tuer aussi. Par justement, pas oh, par les nullards, ils se sont fait descendre. Pourtant, ils sont pas si nuls que ça, les Uchiwa. Ils non. sont assez costauds, mais voilà. C'est vrai qu'ils ont une histoire tragique, un passé lourd à chaque fois qu'ils les suivent tout le temps, à cause voilà. de, d'un des premiers, à cause même d'un conflit entre deux frères de base. Ouais, de base, oui. Et tout ça va se descendre, enfin, va descendre dans les générations, générations ainsi de suite, et ainsi de suite. Bah, ils étaient corses. Ils sont un peu corses. Ça peut, oui, bah, ça va. Et ils n'ont pas l'abolition de la peine de mort. Non, non. Mais oui, non, heureusement pour eux, il va y avoir quelqu'un qui va tout changer. Ouais. Justement, Naruto Uzumaki. J'allais dire Tsunade. Non. Alors, non, non, c'est quoi non, Naruto qui va casser le, oui. le cycle de la haine. Naruto, dont le titre du manga Naruto. Voilà. Et c'est lui qui va tout changer. Pour expliquer, Naruto est le meilleur ami de Sasuke aussi. Et il va pas le lâcher, même quand son meilleur pote va déserter le village, quand il va faire des conneries et tout ça, il va pas lâcher, t'es mon pote, on va se battre jusqu'à temps que tu comprennes que t'es mon pote et t'arrêtes tes conneries. Voilà, c'est un c'est peu ça. Ça, grosso modo. Nous aussi, on a les deux meilleurs amis, on a Teddy Uzumaki et Kevin Uchiwa. Hein. Uzumaki, je... Ah, merde. Oh là. J'ai des poils. Est-ce que j'ai des barbichets? J'ai presque pas de poils. T'as pas le meilleur nom de famille quand même, Uzumaki, hein, mon pauvre. Ouais, j'ai un démon. Je dirais Teddy Arnaki. C'est vrai, j'adore les nouilles en plus. Mais ça. Et donc voilà un peu l'histoire du clan, vraiment basée que sur de la vengeance. Donc de base, c'est vraiment que de la haine, de la vengeance. Vengeance, rancœur, enfin ouais, même rancœur, je dirais, parce que à partir du moment où que le grand Manitou, on va dire, le tout premier ninja, enfin maître du ninjutsu, choisit entre ses deux fils, un préféré. Forcément, le fils aîné a pas trop aimé. Juste avec ça, en fait, tu te dis, les conséquences peuvent être dramatiques, et c'est vrai. Et au final, bon. Voilà. L'équité parfaite n'existe peut-être pas, mais bon. T'aurais pu faire autrement quand même, papy. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait à un moment dans le manga. Il a séparé le pouvoir que pour son fils cadet, ça a pas marché. Et après, il s'est dit, bon, je vais pas refaire la même erreur. Je vais partager mon pouvoir en deux. Ouais. Bah, ça a donné la même chose. Les deux sont aussi affrontés. Bah oui, ouais, mais il avait déjà mal commencé de toute façon. Voilà, c'était quoi qu'il arrivait, c'était foutu. Ouais, mais c'est normal, il y en a un qui voulait le pouvoir de l'autre et vice versa, il a donné la mauvaise moitié. Non, ça a marché avec Sasuke Naruto. C'est la politique. Ouais. Hein. Parce que en gros, pour faire simple, Naruto c'est le descendant à peu près hein, d'un des deux. Ashura, donc le fils cadet. Voilà. Et Sasuke c'est le descendant de l'autre. Donc forcément ils sont liés, on va dire, par le destin à s'affronter. Ils sont obligés. Mais cependant ils vont quand même casser le cycle. Parce qu'ils vont, bah ils sont potes hein, quand même. Naruto il va réussir à avoir l'entendre raison. Mais il va pas le tuer forcément, tu vois, parce qu'il est cool. Ils nous ont refait Roméo et Juliette. Mais autrement. Oui, mais sans mourir. Ouais. Sans mourir et sans amour entre eux. Et en cassant le cycle. Bon, non, si, un amour fraternel. Oui, mais c'est fraternel, c'est pas pareil. Sinon, dans la réalité, tu peux t'affronter en te faisant une guerre froide. Oui. Là-dessus, j'ai juste une petite. Il y a des gens qui se refroidissent, il y a des gens qui se font des guerres froides. Je voudrais juste expliquer aux gens que la fin de la guerre froide n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Hein. C'est juste une blague. Après, voilà, j'avais envie de la faire. Ouais. En direct, je l'ai fait. Et c'était tout ça pour ça. À la semaine prochaine, Daniel. Merci, avec plaisir. Ouais. On peut remonter la température avec de la musique aussi. Oh, bah ça, c'est si tu veux, hein, parce que. Bah, il fait pas. Oula. Alors, celle-là. Oh, c'est festif ça, c'est un monde direct. J'ai cru que c'était les sardines. Ouais, on est en été là. Easy Lady. Donc, ça va, c'est pas trop mal. Ah, bah là, ouais, on est en été sur une plage en Espagne, du coup, Spagna. Sur une de ça. Les. Pika. Pika. Pika. Bon, laisse tomber Pikachu, je vais le faire. Pika Avenger sur Indestar de 21h à 23h. Pika. Oh. Sur Indestar avec. Ouais, Pikachu il apprend pas. Ouais. Mais on a quelqu'un qui vient d'arriver aussi. Salut Théo. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment tu vas? Bon écoute, ça va pas mal. Hein. J'étais dans la pièce à côté en même temps. Pas très loin. Ouais, mais en fait il est resté pour le quiz, je crois. C'est ce que j'allais dire, t'arrives au meilleur des moments. Mm. Comme chaque fin d'émission, il y a le quiz. Oh oui, bah le meilleur des moments, c'est discutable, c'était dit. Non mais c'est qu'en fait. Toi tu mérites de plus avoir de micro déjà. Non mais c'est qu'il est en train d'amadouer Teddy pour gagner, c'est pour ça. J'en profite. Je suis pas sûr qu'il l'amadoue. Là je l'amadouais pas vraiment, mais. Vas-y, j'en profite pour dire parce que là on a Théo avec nous, c'est pas vraiment une chance, mais on aurait pu avoir Linda de base. Oui. Oui. Et oui, comme elle se fait opérer mardi prochain, et ben on lui souhaite un bon courage, amuse-toi bon bien. Bon courage. On la retrouvera bientôt. Oui. Voilà. On espère. On la préfère à Théo. Ouais. Non, mais c'est pas dur. Ça, c'est la petite valeur. T'as déjà moins un point. D'accord, bah, je te laisserai tout seul dans Starter lundi alors. Pas de problème. Pas de problème. On fait quoi lundi dans Starter? Ouais, bah, je sais pas. D'accord, merci Théo. Du coup, on va parler manga. Les voitures dans les mangas, ouais. Alors, effectivement, un quiz. Oui. Un peu spécial parce que forcément, c'est une émission Vengeance. Qui dit Vengeance dit histoire de Vengeance. Je crois et ça, c'est ce qu'on aime dans la vengeance. C'est les histoires. On adore savoir ce genre de truc. Qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Du coup, je vais vous raconter un début de scénario, début d'histoire. Vous allez essayer de trouver une fin, une vengeance possible à ça. D'accord. En théorie. C'est pas si compliqué que ça. Je vois ta gueule, Océane. Je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'elle fait comme... Non, tu vas comprendre. La première, il y a trois propositions, si tu veux. Ouais. C'est pour s'échauffer, d'accord. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas une histoire de vengeance, c'est une phrase que je connais, que tu connais peut-être, si t'as été en cours, en théorie, en sixième. Oh, le taquet qu'on aurait pu être. Ouais. Non, je sais pas, on a peut-être pas étudié les mêmes livres, mais... Merde, je viens de la réponse. Merde. Alors. C'est pas grave, je vais te demander le titre du livre. La phrase... Vengeance à Falcoche. Il y a le mot vengeance. Oui. Donc ça vient d'un livre, effectivement. Hein. Vous aviez le choix entre un livre, un film et un animé. Ah. Ça vient d'un livre. Mais quel livre? De quel livre? Effectivement, c'est un livre qu'on étudie souvent au collège. Bonne chance. Avant de le brûler. Avant de le brûler. Ouais, clairement. En vrai, c'est un livre. J'ai lu très peu de livres de ce qu'on devait lire obligatoirement de base quand j'étais au collège. Tu vois, je sais pas pourquoi. Il m'inspirait pas confiance du tout. Hein. Mmh. C'est comme Les Misérables. C'est vieux, dépassé, j'ai pas envie de le lire. Mais au final, je l'ai lu et j'ai trouvé ça marrant. Parce que c'est une belle histoire de. Les Misérables ou celui-là ? Non, celui-là. Ah oui, parce que je me dis, trouver Les Misérables marrant, je sais pas, je voyais pas. Ouais, je crois qu'on avait raté un épisode. C'est pas si marrant que ça non plus, ça, mais c'est juste que c'est fun. D'accord. Enfin, ouais. Ouais, t'es une drôle de façon de. C'est drôle de façon de m'amuser. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez une idée de quel livre ça pourrait être ? Maintenant, on a plus les trois propositions, puisque c'était film, livre ou je sais pas quoi. Et non, il y a un animal dans le titre. Hein ? Bah alors c'est bien d'animal. Celui-là. Il y a un nom d'animal. Oui. Ouais, non, mais tu l'as. Je sais c'est lequel. Mais c'est aussi. Pour ça que je ne le donne pas. Vas-y voilà Kevin. Le chien des. C'est... Non, c'est non pas le chien des baskets. Raté. Vas-y, non, fais tous les. C'est pas celui-là. Non. Bah c'est le seul que j'ai eu en cours donc. Thierry, est-ce que tu as une idée? Non, pas du tout. Océane. Bon, c'est Hervé Bazin si je me rappelle bien. Et quoi? Hervé Bazin qui l'a écrit je crois. Ah ça j'en sais rien. J'ai juste lu le livre, j'ai pas lu qui c'était. C'est. Ouais. Il y a l'animal et il y a le... Le point, Vipère au point. Ah oui. Effectivement, ouais. Un livre qui est souvent étudié en cours. Oui, ça doit être Bazin, oui. Oh bah peut-être, hein, je vous le dis, moi je vous crois. Hein, parce... Ici c'est le bazar et... Ouais. Et là-bas c'est le Bazin. C'est le bazar, voilà. Ouais. Donc du coup je vais donner un Bazin point à Daniel, douce. Un point bien mérité. Tu pourras me donner le point si tu m'as pas posé la question. Oui, j'avoue. Parce que tu le savais pas. Non. Je l'ai lu à C'est vrai que oui, ça se voyait à ton regard quand même, Théo. Bah, j'ai lu aucun livre, moi, alors c'est pour ça. Moi, je sais pas si tout le monde est d'accord, mais je trouve que vu que t'as fait une erreur, on devrait tous avoir un point quand même. Ouais. Daniel en a deux, mais nous on en a dans un. Ta aussi. Gueule, le si point. Tu veux, mais ça change rien. Ça change pas grand chose à l'équation, mais on fera pas une Jolan. On fera pas une Jolan. La deuxième, évidemment, c'est une histoire. Une histoire avec. Ah si, il y a trois propositions cette fois-ci. D'accord. C'est l'objet de la vengeance qu'on va chercher. Okay. Un homme a divorcé de sa femme parce que l'homme a trompé sa femme. Donc c'est lui qui a décidé de divorcer en plus. Ouais. Pour se mettre avec la nouvelle, évidemment. Sauf que la femme, évidemment, elle n'était pas très contente, quoi. Parce que pour ce divorce, en fait, elle perd tout. Elle perd la maison, elle perd les biens. Le chien. Le chien, la le voiture, chat, tout ce que tu veux. En gros, elle repart à zéro alors que lui, il gagne tout. Alors qu'ils avaient payé ensemble. Ouais. Elle, ça lui plaît pas trop. Elle voulait récupérer au moins une partie, quoi. Du coup, elle va mettre en place un plan pour récupérer. D'épargne logement. Elle va même récupérer la maison entière. Ah ouais? Elle veut tout. Elle prend le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le pot de. Enfin, tout ce que tu veux. Au bout du tel là. Si je comprends bien, elle récupère la maison entière et au bout de trois tiers, elle l'a toute. Pourquoi pas? Donc elle monte un plan. Ça va se couper les cheveux en quatre. Ouais. Elle va y réussir. Mais ce plan. Comment dire? Quel était-il? Il nécessite déjà d'être resté proche. Enfin, proche, pas intime, hein, mais proche avec son ex. Ça va nécessiter un peu de temps. Combien de temps? Un certain nombre de temps. 6 mois. Je croyais que c'était la question. Et un objet. Ah. Est-ce un bijou? Des crevettes? Oui, je le compte comme un objet, des crevettes. Ou une lettre? Et après, à vous d'imaginer. Enfin, après, je vous explique le scénario, mais essayez de deviner avec quoi elle va réussir à acheter une maison. C'est fort. C'est très fort. J'aurais jamais pensé à ça, mais d'ailleurs, gardez-le dans un coin de votre tête la réponse de ça, parce que ça peut vous servir en cas de problème. J'espère que c'est pas les crevettes, parce que ça seront périmés d'ici là. Moi, pour le fun, j'ai envie de dire ouais, les moi aussi, crevettes. Je dirais bien les crevettes. Je vais dire les crevettes pour le bijoux, crevettes ou lettres. Ah, moi, pour le fun, je vais dire les crevettes. J'imagine en train de me venger et d'y servir des crevettes pourries là, pour bouffer. Bah, comment t'aurais imaginé acheter une maison à ton ex avec des crevettes? Bah, il aime beaucoup ça. Soit. Par exemple. Un échange. Bah, les crevettes étaient plus bonnes, elle l'a intoxiquée. Et avant de vraiment qu'elle perde tout, comme ça, elle a tout récupéré ou elle était la seule héritière. C'est plausible. Ça marche. Hein. Voilà. Océane. C'est pas ça. Non, moi je pense à autre chose. Oui. Bah, vas-y. Du coup, aux crevettes, ouais. T'as mis une crevette ? Ouais. D'accord, vas-y. Et je pensais, moi, qu'elle était voir un expert pour dire qu'on croit que les crevettes elles coûtaient super cher et tout. Et que... Attendez. Son histoire part super loin, mais c'est souvent quand ça part loin que c'est intéressant. Mais... Et que du coup, les crevettes, elles valaient plus cher que la maison. Du coup, ils ont fait une négociation et tout. Et du coup, lui, il a pris les crevettes, elle la maison, je sais pas, un truc comme ça. Et à l'arnaque, en fait, c'était les crevettes roses du supermarché. En or. Waouh. Excellent. Wow. C'est pas mal. Thierry, as-tu une idée? Ou déjà, bah, quelle est ta réponse? Alors, si une machination peut tout utiliser, mais après, moi, je suis encore dans mon roman avec toutes les lettres, donc je me dis, tiens, il y a peut-être une lettre compromettante qui révèle un bon vieux que chantage c'est lui à l'ancienne. Qui est responsable. Voilà, mais après, bon, un je bon sais vieux pas, chantage je à l'ancienne. Sais pas. On va voir ça. Kevin, t'as mis les crevettes, mais t'as pas de. Alors, honnêtement, du coup, t'auras pas de poids. J'aurais mis les crevettes pour le fun, même si j'hésitais avec la lettre. Ouais. Je sais pas, les crevettes. Du coup, il a mis un bijou. Non, les crevettes, je sais pas, elles peuvent être couvertes d'or, une connerie du genre, je sais pas. Des crevettes en or. Et du coup, ça vaut pas le coup si ça vaut vraiment cher, en fait. Enfin, je sais pas quel est le scénario. Bah, j'en sais rien non plus. D'accord, d'accord. Ok, ok. Théo, est-ce que t'as une idée? Je suis Thierry pour la lettre. Ouais. Je pense que la lettre, il ne connaît pas le contenu de la lettre. Et en gros, c'est un chantage, quoi. C'est, voilà, un chantage à l'aveugle. Oui. Ah, bien pensé. Eh ben c'est Daniel qui avait raison. Ah merde. C'est des crevettes. Si, crevettes. Bah, aussi, avec des crevettes, elle a réussi à gagner une maison. Bah, moi aussi, alors quand je dis gagner, c'est qu'elle l'a acheté genre à 2-3 000 balles, tu vois. Au lieu de 200 000. Ouais, ouais. Pourquoi aussi, ouais, nous aussi. Hein. Comment tu fais pour acheter une maison à 2000? Mais il faut le bon scénario, attention. Effectivement. Alors, non. Tu nous avais dit la bonne réponse. Non, alors. Non. Il demandait un scénario qui tenait la route. Un scénario. Et Daniel en a donné un bon jeu. Oui, mais non. Je trouve que c'est dégueulasse. Ouais, je trouve qu'il est plutôt. C'est vrai que Océane est un peu tiré par les cheveux, mais. Kevin, c'est pas tiré par les cheveux. J'en ai pas, donc ça tombe bien. Elle n'a pas planqué les crevettes dans les cloisons pour que ça devienne insalubre et que la maison perde de la valeur. Parce il y que a j'ai vu un film. Mais c'est pas dans la cloison. C'est pas dans la cloison et ça abîme pas la maison. C'est effectivement à la planquer des crevettes dans les tringles à rideaux de la maison avant de partir. Du coup, ça a pas senti tout de suite. Fallait attendre que ça se périme et que ça sente. Ah ouais. Et ouais. Du coup, lui, il était tellement gêné par l'odeur qu'il l'a mis en vente la maison. Et il comprenait pas. Il a fait venir des experts. Il a fait venir plein de gens pour essayer de comprendre. Ils ont pas trouvé. Effectivement, personne pense à regarder dans une tringle à rideaux. Bah, en même temps, là. Et du coup, la meuf qui était restée proche, elle dit ah ouais, c'est dommage. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Hein. Lol. Avec des cornes de diable. Mais voilà. Elle rachète la maison à 2-3 000 balles, quoi. Parce que le gars, du coup, il l'a mis en vente. Oui. Sauf que à chaque fois, les gens viennent visiter, ils sentent l'odeur et ils disent bah non, on achète pas. Je suis désolé, ça c'est pue. Voilà. Ça pue la crevette. Et du coup, par sentiment, enfin. Elle a dit bah si tu veux je veux bien acheter par sentimentalisme pour notre histoire et tout ça. Elle joue sur la corde sensible. Et du coup ouais il dit bon bah, tiens je suis là, voilà. Forcément oui. Et du coup elle a juste enlevé les tringles à rideau. Et il a coûté quoi le génie. C'est un coup de génie. Ah ouais. Je peux pas dire mieux. Là honnêtement c'est lui qui s'est fait tringler quoi. Mais, ouais mais, totalement. Tu peux même recommencer ça avec une bagnole avec plein de choses. C'est un concept. Tu peux arnaquer des gens avec ça là, avec des crevettes. Moralité, si vous avez des odeurs de crevettes chez vous, regardez les tringles à radio. C'est changer de gel douche. N'est-ce pas, Sofiane? Ah oui, c'est vrai. T'es dit, alors, mais t'es plus là. La troisième question, la troisième les points, histoire. Tu les, mets, non les points, je les mets si je peux. Je sais pas. Okay. Mais tiens, je le flic en plus. Nous avons Daniel. Nous avons Océane. Kevin. À contre-cœur. Ça me fait chier. Hein. Ah, c'est pas à contre-cœur ou pas du tout? Moi, je mettrais pas du tout. Ah, je suis vache. Non, j'ai mis un demi-point. Quoi? Comment ça? J'ai pas eu le temps de mettre le reste. C'est que ça va être compliqué à compter quand même. C'est quoi? T'as donné crevette mais pas de scénario. Du coup, t'as un demi-point quand si même. Si. J'ai dit que c'était des. Ouais, c'était un scénario tiré par les cheveux. Mais. C'est ce qu'on appelle un scénario vide. Arrêtez de nous tirer les cheveux. Ça fait mal. Donc, vas-y, la suite. Le maire d'un village en France, quelque part. A obligé un arboriste, quelqu'un qui s'y connaît en plantes, j'imagine, en arbre, à arracher un poivrier que l'arboriste avait planté lui-même il y a 30 ans. Ouais, ça fait beaucoup éternuer. Je sais pas si c'est pour ça qu'il lui a demandé de l'arracher, mais en tout cas, il lui a demandé de l'arracher. Sauf que le gars, c'est lui qui l'avait planté il y a une trentaine d'années, et il gênait personne à part le maire. Et quand je dis gêné, c'est. On sait même pas pourquoi il voulait l'arracher. Le maire, évidemment, avait des moyens de pression du style bah, il est politicien, hein, quoi, voilà. Ouais. Donc il lui a obligé à l'arracher, il l'a fait à contre-cœur. Par contre, il s'est vengé de lui, de tous ceux qui ont décidé aussi avec le maire de le faire chier là-dessus, parce que le maire était soutenu hein, évidemment par une commission. Ouais. Travaillait dans ton restaurant d'application dont tu as parlé tout à l'heure. Non, avant steak au poivre. Non. Il s'est vengé d'une manière un peu particulière, et c'est grâce à ses connaissances en arbre. D'après vous, et c'est là que ça devient compliqué, d'après vous, comment, en étant arboriste, tu te venges de ça? Là, vous pouvez être perplexe. Alors, j'ai une idée, mais je vais laisser réfléchir avant un petit peu. D'accord, pas de problème. Mais vas-y, dis ton idée. Alors, là, vu que personne n'en donne, oui. Alors, moi, je pense, donc, il y a des histoires, on peut être allergique à des choses. Ouais. Et en plantant un arbre bien placé par rapport à la propriété du maire ou je sais pas quoi, avec un vent dominant, ouais. Paf, il passe, à chaque fois il y a un coup de vent, ça met un coup d'allergie. Et... C'est pas mal. J'avais une idée proche de la tienne, alors c'était pas une allergie pour le coup, mais c'était juste, tu sais, soit des feuilles ou des glands ou des choses qui font... Oui, il y avait une histoire de glands, ouais. Si voilà. J'ai compris. Qui sont embêtants dans le sens où t'as des glands qui arrivent dans ton jardin, bah ça replante des chaînes et t'es tout le temps obligé d'arracher les jeunes pousses, quoi. Exactement. Quelque chose qui l'embête parce que justement t'as un arbre qui est invasif. Oui. Alors soit qui te replante des jeunes pousses, soit qui te met un tas de feuilles à chaque fois dans le vent chez lui, quoi. Je vois. Il y a la c'est pas mal ça. Océane, as-tu une petite idée? Je cherche. À part les crevettes dans les tringles à rideaux. Thierry, une petite idée? Bon, en fait, j'ai essayé d'imaginer parce qu'en fait, je me dis, tiens, j'ai déjà vu plein d'arbres. Enfin, moi, je suis curieux de la nature, mais j'ai jamais vu un poivrier. Je me demande à quoi ça ressemble. À un poivrier. C'est vrai, moi, je vois juste le truc où tu mets du poivre là. Ouais. Je t'avoue que je sais pas. Bah, c'est des baies du coup, mais. Je sais pas. Ouais, mais est-ce que ça pousse dans des sortes de haricots qu'on ouvre? Je ne sais quoi. Je sais même pas, en fait, le poivre. Il a oublié la question, la bière. Ouais, c'est ça. Non, parce que on pouvait peut-être trouver une solution par rapport à cet arbre-là, mais j'ai pas d'idée. En fait, il en a arraché un, il en a planté 20 autour de la mairie. On dirait un saule. Il en arrache un, mais il fait toute une haie en poivrier après. Bête. Un de perdu, 10 heures trouvées. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est pas assez vengeanceux. Parce que si tu replantes juste chez toi, tu vois, au final, c'est pas. Oui. Vrai, et puis, je pense qu'il... devant la mairie, tout ça. Ah oui, devant la mairie. Ouais, mais il se serait fait arrêter en cours de route, quoi. T'as le mec, il dit, tu te fous de ma gueule. T'es en train de replanter. T'en as enlevé un, t'en prends un. Tu vas la nuit. J'en vois une autre aussi. Vas-y, balance des idées. Avec des graines. C'est des graines de plantes invasives ou vraiment qui poussent très vite, comme le liseron, des choses comme ça. Tu envoies des graines par-dessus la haie, ça va pousser, puis ça va foutre le souk dans son jardin. Et puis ça va pousser. Savoir justement comment. Est-ce que chaque graine de poivre est capable de donner un arbre? À ce moment-là, tu balances ça chez tout le monde qui t'en fait chier. Mais il a été bien plus vicieux que ça. T'es pas loin. Je vais t'accorder le point parce que t'es pas loin. Alors, ça c'est dégueulasse. Avec... Non, parce qu'il a effectivement planté des graines en moi fait. Moi je dis, il mérite qu'un demi-point. Est-ce qu'il avait la potion magique pour que ça devienne direct des arbres? Pas besoin. Comme il a fait pire Jack que ça. Ah ouais, il y a c'est des ça. Arbres, ils poussent pas directement, ils construisent d'abord leurs racines. Ah, ça soulevait la maison. Pas directement, mais effectivement avec le haricot magique. Quand t'as des racines bien prises pour les enlever, c'est compliqué. Non, mais tu sais que des fois, enfin que ça soit des routes ou des maisons, hein, ça peut te. Bien sûr, ça détruit toutes les fondations. Les murs, etc. Oui, c'était son but. Comme la passiflore, justement, qui est hyper invasive et qui construit ses racines avant. Ouais. Je me rappelle en avoir enlevé de terrain. Le séquoia? Je sais pas ce qu'il y a. Et ben moi je confirme, pour le coup, le séquoia ça pousse bien en racine aussi avant de se développer. Et du coup, il en a planté dans le jardin du maire, dans le jardin de tous ceux qui l'ont soutenu. Et il a attendu avant de le dire. Puis après, il a dit, alors je vous ai planté des graines de séquoia, ça a fait des racines bien profondes. Maintenant, vous l'avez dans le cul, votre maison, les fondations, c'est mort. Voilà, il aura balancé ça comme ça. Ils peuvent le faire traiter et tout ça, mais c'est déjà trop tard, le mal était fait. Donc c'est foutu. Donc il a eu sa petite vengeance et c'est presque légal parce que il y a pas d'interdiction de planter des graines en théorie. Enfin... Mais heureusement, le maire avait vendu la maison au mec qui avait vendu la maison à la fille avant, donc il s'est fait arnaquer jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe pour les arbres parce que tu as certains arbres, quand tu vois ce qui est au-dessus du sol, il faut imaginer que tu peux avoir la même chose en dessous. Oui. Comme un iceberg. La même taille d'un. Pire d'ailleurs, il y a des plantes, on ne s'imagine pas une vigne, mais une vigne, pourquoi elle survit c'est même en pleine sécheresse? Les racines peuvent plonger à je ne sais pas combien de dizaines de mètres pour aller chercher l'eau. Hein, donc, voilà. C'est vrai. Alors maintenant, on va parler. C'était relativement des histoires. De jeunes, de 40, voilà. Là, on va parler de retraités, parce que les retraités aussi savent faire la vengeance. Mais ils ont que ça à faire, en fait. C'est vrai. Souvent, s'ils n'ont pas de fenêtre, c'est la vengeance qu'ils font. C'est pour s'occuper qu'on va se venger. Et c'est mon voisin, il m'a empiété de 3 cm sur ma haie. C'est inadmissible, j'ai porté plainte. Du coup, je vais à la mairie, je vais aller vérifier le cadastre. Ouais, exactement. Ce soir, ce je peux pas venir à 8h parce que je me venge juste de mon voisin. Il y a 2h du matin, ils sont, dans le... ils sont dans le jardin à 2h du matin pour déplacer, tu sais, la borne. Pourquoi pas ? Il y a un couple de retraités de la région centre. C'est de chez nous. Ça risque de nous arriver. Alors, ils avaient plein. Alors, il y a écrit le mot outrage. Très moche, je déteste ce mot. Mais ils subissaient plein de choses en fait. De dégradation, des pneus crevés, des tags, de. Ouais. Même un chat mort. Quoi ? Clouté sur la porte. Oh, c'est horrible. C'est horrible, évidemment. Un chaton mort. C'est encore plus terrible. Voilà. Il y a rien demandé, le pauvre. Mais ils savaient pas d'où ça venait. Ils ont porté plainte, évidemment. Ils ont fait. Ils ont essayé de chercher qui pouvait leur en vouloir. C'est un couple de retraités. Alors, si, en fait, tout le monde peut leur en vouloir. Vu qu'ils sont retraités, ils ont eu le temps de se faire des ennemis dans toute une vie. Hein, faut. Voilà. C'est Macron, il aime pas les retraités. Les flics, ils ont pas trouvé. Ce soir, je vais pas sortir vivant d'ici. Ils ont pas trouvé qui c'était. Par contre, ils ont pris le voleur en flag parce que il était pas très rapide. C'était pas un voleur. C'était il pas un voleur. Était en scooter, c'était pas Macron, c'était l'autre d'avant. Mais ils l'ont pris en flag, donc ils ont eu le temps d'appeler les flics. Ils ont eu le temps de venir le choper. Il avait un masque de Hulk pour se camoufler. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que pour passer discret. Il était en déambulateur. Ça aurait été marrant. Il se trouve qu'il connaissait effectivement cette personne. Qui était-ce d'après vous ? Sa femme. Alors. Bah non, c'est le couple de retraite. Le couple connaissait la personne ? Oui, le couple de. Pardon, je croyais que c'était un retraité, pardon. Non, c'est un couple de retraités qui se faisait harceler par une personne. Qui pourrait être cette personne ? Qui connaissent ? Alors moi, je dirais leur enfant. Enfant. J'avoue, putain. C'est pas mal ça. Ouais. Leur enfant qui se déplacerait pas rapidement pour un couple de retraités. Leurs parents. Manque de cohérence. Leurs parents. Ouais, mais. Leurs parents. Imagine. Non, imagine. Ils sont morts. Ils ont retraité. Ouais, technique. Bah, manque si de cohérence aussi. Bah, ouais. S'ils ont 60-65 ans, que les parents n'ont pas attendu, ils peuvent avoir 80-90. C'est vrai que c'est possible, mais à partir du moment où je dis que ça manque de cohérence, c'est que ça pue la merde. Le chien. Théo Le chien qui cloute un chaton déjà. Il va falloir que m'explique le chien. C'est quelqu'un de la famille. Dans les dessins animés, c'est possible. Quelqu'un de la famille ouais. J'ai pas dit que c'était quelqu'un de la famille. J'ai dit que non, mais c'est moi qui le dis. Ça. C'est la sœur, le frère, la sœur, quelqu'un ou un ami proche qui en fait en a marre d'entendre parler de ces histoires. Tu vois. Le maire de la commune précédente. Océane. Moi, je pense, je sais pas, à leurs petits-enfants, je pense. Genre. Parce que tu ferais ça. Je dirais rien là-dessus. Ne se prononce pas. Thierry ? Alors moi je pense à quelqu'un qui a acheté la maison en viager. Et il ne crève pas ces gens-là. Non mais parce que j'en ai entendu parler. Ouais. Et tu sais que j'aurais peur moi si j'étais vieux et de mettre ma maison en viager pour cette raison-là parce que ça fait flipper quand même. C'est vrai. Je donne un point à Thierry pour le meilleur scénario que vous avez cité, mais ce n'est pas ça. Ah. Non, c'est plus marrant que ça. Alors question, j'ai toujours mon demi-point. Oui. Moi qui donne la bonne réponse, j'ai un demi-point. T'as pas donné la bonne réponse ? Si, tout à l'heure, avec les crevettes. T'as pas demandé de scénario. Ouais, j'ai un demi-point. Ouais. Thierry qui a le meilleur plus scénario. Plus de créativité. Hein, parce que j'ai donné des espoirs. Il a donné de ça à personne. Je trouve que c'est totalement. Toi, t'as pas donné de ta personne. et puis, voilà, écoute, j'ai de l'ancienneté. Hein, je mourrai plus tôt que toi. Là. Surtout depuis qu'il a mis sa maison en viager. Alors là, c'est fini. J'ai mis mon humour en viager. Personne n'en veut. Bah, c'est peut-être pas plus mal, non ? Non, c'est. Merde. T'as pas la réponse ? Attends, j'ai oublié. Si, non, en fait, c'est l'ex de la retraitée. Donc, il est aussi âgé que lui. C'est pour ça qu'il se déplaçait lentement. Donc, je me demande comment ils ont pas fait pour le choper avant. Mais il était très très lent, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont eu le temps d'appeler les flics avant qu'ils se déplacent vraiment. Comment il a eu le temps de faire tout ça ? Mais bon, peu importe. En fait, il s'est vengé. Ça faisait 25 ans qu'ils étaient plus ensemble. Ah mince. Des liaisons vachement dangereuses. Quand on dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Ouais, c'est surgelé. C'est un plat presque c'est mort. C'est même tenace, là, carrément. Ouais. Le gars, il a attendu bien longtemps. Il s'est dit, tiens, je vais me manger maintenant. Pourquoi ? Avant de mourir. Ouais, ouais, fait, bah ouais. Il a bien mûri sa vengeance, c'est pour ouais, ça. Ouais, là. Ah bah, ouais, elle est presque pourri sa vengeance. T'es pas sûr d'avoir la même place à côté au paradis, donc du coup, il s'est dit, il faut que je me venge maintenant. Pendant que je peux. Il s'est fait ouais. choper, il a pas été en prison. Mais quand même, parce pour que... le chaton, il a payé quand même. Mais à part ça, ouais, c'était pas. Ils ont trouvé ça drôle à part le chaton, tu vois. Et si on appliquait la vengeance comme autrefois, on l'aurait clouté sur une porte. Ouais. C'est vrai, et c'est par vrai les couilles. Que... Quitte à faire, autant faire enfin, ça. Enfin, ce qu'il en reste à son âge. On va aller du côté de la Manche, voir nos amis. Manchot. Rose beef, ça se fait pas. Non, mais les Anglais, les Britanniques. La Manche du milieu. D'accord. Donc, du côté de l'Angleterre, une femme a surpris son homme. En train de le tromper. Enfin, ciel, de la tromper. Mon Maris. Oui, mais elle l'a pas dit. Et elle s'est pas fait remarquer. Elle a rien dit. Ah, hey. Elle est passée inaperçue. Pourquoi t'es meute ? Non, c'est parce qu'elle a essayé d'être de tranquillement et de rien dire. Par contre, pendant qu'ils étaient en train de copuler, elle a fait quelque chose. Le tea time. Ses objets. Non, j'ai pas le moment. Il se trouve que son mari était elle collectionneur s'est de quelque entre chose. Les deux. Non, non, non, non, elle a fait quelque chose de sympa quand même. Son mari était collectionneur de quelque chose. De femme. Elle les a réutilisés d'une manière économique, je dirais. D'après vous, quel est l'objet, enfin quels sont les objets en question et comment elle les a réutilisés? Elle les a refondus. Et quoi? Ah, je sais pas. un truc en fer. En métal, quoi. C'est un collectionneur, il faut penser à des collections. Ouais, ouais, ouais, ouais. Des pièces, oui. Des pièces refondues. Ouais. Des petites voitures en refondues, acier. Elle aurait peut-être pas eu le temps de les refaire fondre quand même en. Elle a eu le temps de faire ça pendant qu'ils copulaient. Ah ouais. Ah. Faut dire, elle avait à peu près une heure. Parce qu'ils des sont restés longtemps. Des timbres, bah non, ça, bah, ça, bah non, les bah, timbres, des ça timbres. Crame, elle les a tous bah, léchés. Attendez, je prends des timbres, qu'est-ce qu'elle aurait elle pu faire. Elle a léché tous les timbres. Je sais pas, elle les aurait cramés. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que les timbres, ça peut avoir des déchirés, cramés. Déchirés, c'est sympa idiot, aussi. Ouais. Non, non, mais c'est pour apporter la, oui. à Kevin du plus. Hein. Moi, parce que toi, t'as une autre idée? Je vais essayer d'en trouver une, j'ai pas encore trouvé. Océane? Moi, je cherche. J'essaye de faire marcher ma mémoire ce soir. Ouais, ça, t'as l'air, ça marche pas beaucoup. Eh bah, c'est pas gagné. Petite voiture en métal. Ah non, on aurait fait quoi? Elle serait roulée dessus avec un rouleau compresseur et faire des crêpes avec. C'est étonnant. Elle les aurait affichées dans, ouais. dans le. Théo, non, mais je suis étonnant. En train de chercher quelque chose. Alors, qui. Alors, des livres, elle a déchiré des pages des livres. Moi, je pense quelque chose. Il a dit économique. Ah, c'est pour en faire quelque chose. Parce qu'en fait, elle en a fait quelque chose après de cette destruction. C'est pour massive. Ça que je pense à un truc qui a été fondu, moi. Ça pourrait être cohérent, mais en une heure, c'est chaud, quoi. Ouais. Un gros four. Thierry, une idée ? Est-ce qu'il aurait pu avoir des anciens titres, vous savez, comme les bons du trésor qui sont sur papier ? Et alors, si elle est vraiment sadique, c'est même pas les brûler, c'est, je sais pas, écrire des trucs dessus, que ce soit son nom ou que ce soit, enfin, je sais pas quoi, quelque chose qui les rend inutilisables. Pas mal, pas mal. Je vais vous donner un petit indice, c'est un rapport avec la musique. Des instruments de musique. Et ce qu'elle a fait elle avec. Elle les a tous désaccordés. Ça a un rapport avec le BTP. elle les a coulés dans les travaux dans le bâtiment. Il collectionnait des vinyles. Des tam-tams. Des vinyles. Je pensais aux vinyles justement, mais j'avais pas. Collectionner des vinyles, effectivement. J'avais plus et le nom. Ça, ça fond, ça se gondole quand ça chauffe. Ah ouais, oui. Carrément. Donc il avait une collection de vinyles. Un point pour Daniel. Bon, t'as gagné, je pense. Mais. Moi, j'avais déjà gagné, de toute façon. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en fait? Avec le fameux. Elle les a fait fondre. Non. Non. Non. Elle en a fait. Ah, si tu peux en faire des cadres, enfin de l'art. Mais elle avait pas c'est le temps en une heure. C'est une forme d'art, mais c'est dans pas les de la mosaïque. De la mosaïque. Elle les a peints. Non. Non. Non. Elle les a plus ou moins étalées sur le sol. À carrelage. Et elle a mis de la résine dessus. Et elle s'est fait un nouveau sol de cuisine. Un carrelage, du coup. Ouais. En vinyle. D'accord. Ok. Ouais. Et en plus, le gars avait des vinyles rares. Hein. Il cite Dire Straight, Led Zeppelin. Dire Straight. Dire Straight. Ouais. Et tout un. Ah non, ça c'est tout un. Non, ça... Et elle adore on sa cuisine maintenant. Oui, bah oui, j'imagine. Ouais. Voilà. Donc, oui, les collections de vinyles, c'est très. Mais j'ai déjà vu des projets en plus où ils réutilisaient des vinyles pour faire des tables basses. C'est beau. Tout ça. Mm. Ouais, bah ouais, non, mais j'ai une image. D'ailleurs, Kevin, ouais, bravo, vois l'image. Il y avait l'image. Mais bon. C'est beau, mais bon, tu marches ouais, sur chez là. C'est là où tu vois, je suis honnête. Mais que j'ai pas regardé l'écran. Mais voilà, avec de la résine époxy, ce genre ah de résine de canard. En une heure, elle a eu le temps de faire ça. Pendant que lui, il a eu le temps de copuler et de perdre des millions. Thierry a posé une question. C'était de la résine de cannabis? Non, mais... Enfin, ça, on le saura pas. Si un Bob Marley, peut-être. À chaque fois que tu sers le plancher, au bout de t'as des vapeurs. Donc, Daniel, tu as été créatif hein, ce soir, quand même. C'est vrai. Bon, franchement, si tu t'y connais, hein. Au moins. Océane, Kevin et Thierry, ouais, pas mal aussi. Hein. Enfin, non. Enfin, un point, ça va, voilà. Mais on n'est pas créatif, mais pas mieux faire. Théo, d'habitude, t'es créatif. Bah, j'étais mais pas créatif, mais j'étais mais pas... Mais pas en vengeance. Bah, j'étais pas sur la bonne non, longueur, la même longueur d'onde. Ouais. Pas... La vengeance, c'est pas ton truc. Avoue, Théo, tu regrettes d'être venu jouer à limite. Non, c'est marrant. T'es un pacifique. Ouais, je suis un pacifique. Comme l'océan. Toi, t'aimes la musique. Ah non, c'est l'océan. Oui, pareil, oui, que t'aimes bien la musique. Oui. Je sais pas. T'aimes bien les diaches? Oui. Bah, on va te piéger quoi, avec c'est ça. C'est quoi, c'est. Eye on Wheel? Non. Non. Non. C'est l'autre. Trapped. Ouais. Trapped. Prise au piège. Ouais. En tout cas, nous, on se dit, bah, la semaine prochaine, on va recevoir ML Homeplay en artiste. Et n'oubliez pas demain aussi. Oui, et demain il y a une émission aussi spéciale Saint-Valentin. D'amour. À demain, bah à demain tout le monde. Bisous. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.